Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, pas applaudir, j'ai un doigt cassé. Oh non, gâcheuse d'ambiance. Ah, je suis désolée, je suis une femme brisée. Oh là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Salut. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Salut. Il y a mon attention, il y a bip. Ouais, il y a ma montre qui bip. Attention. Oh là. Non, attends. C'est pas possible. Ah, non, c'est pas les œufs à la coque, c'est l'heure de commencer l'émission. Arrête, c'est une grande star mais il est proche des gens. Allez, arrête tes conneries. Vidéaste sur YouTube et Instagram. Elle a écrit les deux tomes de Icon, elle a joué dans Sam sur TF1, elle est également un peu ma François Cluzet vu qu'elle est le parrain de ma fille. Oui, c'est vrai. Elle est le parrain de ma fille. Je suis le parrain. C'est le et parrain. Non la marraine. Non, premier on avait déjà une marraine, donc t'es le parrain de ma fille. C'est aussi, selon le journal La Provence, une icône de la déconne. C'est vrai. Et malgré toutes ses qualités, sa photo Wikipédia est une catastrophe ambulante. C'est Natou. Merci. Bravo. Quelle est la photo? Tu peux la décrire? Alors je vais te la décrire pour moi. Alors c'est une capture d'écran d'une vidéo un peu vieille qui a 1500 vues. Okay. Où on dirait un peu un lendemain de soirée. On sent que t'as mis un peu du Neutrogena. Attends, je vais te la montrer. T'as fait beaucoup de photos un peu classe. Ouais. Je trouve que le choix du Wikipédia est un peu surprenant. Adrien, c'est vrai que on t'a connu plus en valeur. C'est triste. Mais c'est super triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est très triste. Il y a des photos qui ont coûté de la thune. Bah, c'est surtout que prenez une photo, on voit encore moins son visage. Elle a d'énormes lunettes de soleil. Ça n'a on sent que c'était avant les selfies. C'est quelqu'un qui la prend. Chauve. Instagram existait à peine. Oui, t'es super, Adrien. Tout n'est pas une attaque. Oh là là. Animateur. Vedette. Animateur, vedette. On peut mettre vedette. On peut mettre vedette. Ça fait très plaisir. Je suis venu pour ça. De radio et de télévision sur TF1, on a pu le voir présenter pêle-mêle. Alors, pêle-mêle, c'est pas le titre d'une de tes émissions. Mais ça aurait pu tellement. Ça pourrait tellement. Un petit quiz où il faut relier les bonnes réponses aux bonnes questions. Enfin, tu te sers ici. Hein, tu sais, ça te gêne pas si je note l'idée. Prends tout. Tu peux prendre. On a pu le voir présenter du coup Danse avec les stars, Masked Singer, Camille et Image, Welcome Back et alors Une famille en or, qui veut gagner des millions. Il en a fait des émissions où avant la pub, il nous propose à nous aussi, chez nous, de jouer pour gagner un chèque de 2000 euros en répondant simplement à cette question. Notre invité qui lance Stéréo Club, un nouveau jeu musical sur TF1, s'appelle Casimir Comboul, Cachemire Comboul ou Camille Combal. Je dirais que c'est la 3. Moi, c'est Camille Combal. Oh, ouais, bravo. Mais j'aimerais tellement m'appeler Cachemire Comboul. Mais tu viens, on peut noter l'idée encore? Cachemire Comboul, wow. Tu peux être Cachemire. C'est Comboul. Open source cette émission. Oh là là, qu'est-ce que je suis content d'être là. Bah merci d'être venu, ça fait plaisir. J'ai eu le temps de. On est arrivé il y a quoi? Il y a un quart d'heure. En même temps avec Natou, j'ai eu le temps de voir qu'elle avait un cale-porte dans son sac. Je suis arrivé en vélo et j'ai un cale-porte qui est très utile pour caler les portes du coup. Il est léger ou pas? Ultra léger, et je dis ça parce que oui, mais j'ai un partenariat avec les cale-portes Newmark. Et j'ai eu le temps de voir que Flo mettait des messages dans les halls d'immeubles. Alors oui, tu es une merde. Oui, non. J'entends le mot merde. Je le reçois. Et il a beaucoup de sens. Mais j'en ai déjà parlé dans cette émission. C'est les voisins ne plient pas les cartons. Les voisins ne plient pas les cartons. Donc on fait quoi? Donc on met les déchets dans la rue. On peut pas mettre des mots dans les parties communes. On peut et pas. Encore, on n'est pas là. Je me retiens. Si tu savais, le voisin du dessus lance ses mégots qui tombent sur ma fenêtre. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Il va se prendre un mot. Mais là où je suis quand même un peu Liam Neeson dans Tekken, c'est que je signe mon mot. C'est beau. Tu vois, j'assume mes trucs. Ah, t'as mis le voisin du troisième, sachant que t'es pas tout seul. Donc, au cas où, il y en a un qui se fait tabasser à ma place, ça peut arriver. Il réconcilie la vieillesse avec la jeunesse. Il est ce danseur frôlant le bitume. Il est ce rappeur, l'encre de sa plume. Il est ce graffeur sous l'ombre de la lune. Il est de ces hommes et ces femmes qui vivent au cœur de la rue. C'est Adrien Méniel. Bravo. Et là, c'est vraiment une chanson parce que ça correspond vraiment c'est à moi, fou. Quoi. Bah ouais, c'est une chanson de hip-hop, je peux te le dire. De hip-hop. Moi, je suis très contente de te recevoir, Camille. C'est la première fois que tu viens. C'est la première fois que tu viens moi dans aussi, cette émission. Dans cet immeuble. Même dans cet immeuble. On est trop content, mais. Ouais, je ramène toi, moi. Non, mais je disais ça parce que Camille ne le sait pas, mais il y a 13 ans, j'ai un peu travaillé pour lui. Ah bon? Waouh. Mais d'une façon. Un petit quiz. Non, je pense que vous trouverez pas. Je sais même pas si toi-même tu t'en souviendras. Vas-y. C'est impossible que tu saches que c'est moi. Je te le dis, c'est impossible. Ok. Mais à une époque, il y a de ça de très longtemps, sur la chaîne, enfin sur le site, pardon, Dailymotion, tu animais un JT un peu rigolo. Ah, avec Dominique Farrugia. Qui s'appelait Les Graves Infos, je crois. Les Graves Infos. Les Graves Infos. Et on était. Donc, il y avait Les Graves Infos, exactement. Et je faisais. Alors, c'était un peu comme les JT d'aujourd'hui. C'est je faisais la semaine et le week-end, c'était Joko. C'était Jonathan Cohen qui faisait le week-end. Et pour la petite histoire, à l'époque, ce site proposait à des internautes d'écrire des blagues et de proposer des blagues et d'écrire des fausses pubs ou des conneries. Et moi, j'avais 18 piges à l'époque, je crois. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je fais partie des nuls, en fait. Je peux écrire des blagues pour Farrugia, visiblement. Et donc, j'avais envoyé des blagues. Est-ce aucune n'a été gardée. Exemples non. Ah, aucune n'a été gardée. Je les ai pas, les exemples. J'ai pas les exemples la de blagues. La blague sur lequel porte, là. C'est super. Elle a fait ma renommée, celle-ci. On m'en parle encore. Mais donc, voilà. Donc, d'une certaine manière. Mais j'en ai pas lu. Je crois pas. Mais donc, t'as compris. Donc du coup, ouais, t'as pas vraiment. T'as lu, t'as pas. Tu m'as. C'est pas moi qui choisissais. Hein. C'était un faux flash. Tout va bien. Mais tu sais que j'avais oublié. C'est parce que j'ai recherché des images sur Internet. J'avais oublié que Jonathan Cohen en avait fait aussi. Mais oui, il faisait. Fou, en fait, on était comme de la housse et je sais pas qui fait la semaine. Waouh. Il fait regarde, la semaine. Tu me regardes. Qu'est-ce que j'en fais, Camille. Mais genre, il faisait les week-ends et je faisais la semaine. Ouais, il y avait un truc comme ça. Bah oui, bah écoute, c'est ça. Et on n'a pas gardé tes vannes. Je suis là. Je vais essayer de les trouver. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais tenter de lui écrire une vanne qui doit caler dans Dals, par exemple. Je propose un défi. C'était une très belle salsa. Ce qui me rappelle la pute borgne. Vous la connaissez, cette blague. Je pense c'est que... fou, t'as reconnu mon style tout de suite. La pute borgne, c'est vrai que c'est une de mes. Je suis désolé. Les news du Floodcast. On commence avec ça. À Saint-Maximin, dans le Var. Un restaurant a commercialisé une glace d'un nouveau genre. À votre avis, lequel? Au pipi. Bah, arrête-toi. Je sais pas. Bah non, ça, mon pote. C'est glace à la viande. Alors, il y a de ça, mais c'est pas vraiment la c'est réponse. C'est le parfum. Qui... Kebab. C'est pas le parfum, mais le parfum. Pâté de chien. Alors, pour les chiens. Ah, c'est oui, les glaces pour les chiens. Oh, j'adore, j'en veux. C'est-à-dire que. C'est brillant. C'est brillant. Yeah, j'achète. On bah. Est team chien là. Ah, vous avez des chiens? Oui. Chien. Attention. Et toi? Alors. Et toi? Moi, j'ai pas de chien. Bah alors, j'ai pas de chien. Non, mais. Allez, je coupe l'émission, c'est bon. Non, mais il a été bénévole à la SPA, il s'est occupé des chiens pendant 6 ans. Et puis les bonnes pattes. Ouais. Et tu es toi-même un Golden Retriever. Donc. Faciès d'un Golden Retriever. Non, mais vous avez quoi comme chien, Camille? Toi, t'as. Moi, j'ai un chien que j'aime trop, que j'ai adopté. Non, je l'ai. Décédé, waouh, wow. Yes. Ah, wow. ambiance. Allez, pardon, il faut toujours 3 minutes. C'est horrible ce qui vient, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Non mais... il est mort hier soir et c'était. Non, mais on est d'accord que dans la vidéo avec Aurélien Prévost, c'était chien, non, c'était un autre chien. J'ai un chien que j'ai adopté qui était abandonné et donc on sait pas trop sa race, mais sachez. J'ai un peu honte de le dire, il existe des tests ADN pour animaux. Putain, j'hésite je à l'ai le faire. Je l'ai fait. C'est vrai. Et donc je sais, ça m'a quand même coûté 60 balles, donc genre deux caleportes. Oui. Non, 60 balles seulement. Ouais, 60 balles. Bon, ouais, pour les humains, direct. C'est plus cher. Non, non, mais moi j'avais vu pour les chiens, c'était genre 150. Mais non, non, coup, 60 balles, je crois que j'ai payé. La marque de bah, je vais te dire, mais donc il est moitié staff, moitié rote. Et je l'ai pris là, mais j'avais pas choisi. Wow, c'est beau. Fascinant. Okay. C'est beau. Et j'ai pas choisi le nom, donc il a un nom d'humain, ce qui est gênant parce que dès que je l'appelle dans un parc, il y a toujours quelqu'un qui dit c'est le nom de mon fils. Il s'appelle Gaspard. Et moi, s'appelle Lola. Et ben ouais, et ça énerve tellement les Gaspard gens qui. Gaspard et Lola. C'est un petit film d'auteur. Français, ouais. Un petit film d'auteur qui a deux Césars. Tu mets un petit Vincent Elbaz là-dedans. Là. Mais attends, tu tiens un truc. Hein. Non mais parce que moi, bon, elle s'appelle Frankie, donc c'est team chien avec des noms d'humains quoi. Et Frankie, quelle race? Quelle? Bah pareil que toi, adopté, donc je sais pas. Tu sais pas. Sans doute un peu. Il y a du. Fais le test de la Réunion. Chien de la Réunion. Mais moi, l'association, c'est la Réunion aussi. Et ben, oh, voilà. Là, mais... Et moi, je reviens de la Réunion. C'est pas pareil. Oh, t'énerve pas. Ah, tu reviens de la Réunion. Et oui, et j'ai vu des assos justement qui sauvent les chiens de là-bas parce que c'est un vrai souci. Oui. Il y a plus de 200 000 chiens errants et du coup, on a rapatrié 7 exactement. Chiens qui sont fait adopter, mais le jour même. Bah, nous aussi, on aide. Trop bien. Comment s'appelle l'association? Alors, il y avait Sauve ton Bourbon. L'association. Et Zoom. Zoom, d'accord. Voilà. Et toi, c'était quelle association d'ailleurs? J'ai oublié le nom. Il y a beaucoup d'assos là-bas, c'est vraiment un gros souci. Il y en a beaucoup. Et ils trouvent des bénévoles qui les prennent et qui les ramènent en avion. Voilà, ouais, et plus non, des gens qui les soignent là-bas. C'est des gens qui font le voyage à titre personnel. Exactement. Et ils leur disent on rajoute la somme pour que vous preniez un chien. Quoi. Et après, une fois qu'ils sont ici, il faut trouver la bonne famille et tout ça. Voilà. Et tu peux les emmener chez le glacier, dans le Var. Mais j'aime beaucoup comment il a récupéré la forme. Pas du tout. Pas du tout. Il déteste. Les chiens. Mais pas du tout. Vous êtes fous quoi. Mais pas du tout. C'est fou. Non non, c'est dans le Var effectivement. Sans sucre ajouté, ni lait ni crème. La recette a été validée par un vétérinaire. Donc c'est vegan. J'ai envie de vegan dire. En fait. Non, parce que c'est du jus de volaille. Oh de, ouais. C'est un sorbet. Le bâtonnet c'est un os. Foie de volaille, foie de volaille, jus de veau et fumée de poisson. Oh merde. Ah oui, compagnon. C'est vegan, c'est vous merde. En donneriez? Moi j'aurais un peu honte, mais je crois que je pourrais acheter une glace à mon chien. Moi tout à fait. J'ai acheté un canapé à mon chien donc. Moi j'ai acheté de la bière pour ma chienne. Ah ça c'est bizarre. On ferait pas classe. content de ce qu'il vient. C'est la bière pour chien. J'ai acheté un gun. Mon chien a un gun. Pour se défendre. Mais cela dit, ton chien fait partie d'un gang. Il croit qu'il a un petit foulard. Il vient de la rue, donc. Oui, c'est ça, exactement. De la bière pour chien, c'est-à-dire. Bah pareil, je crois que c'est à base de jus de volaille, un truc glamour ah, comme ça. Non. Malheur, le chien crève. Non, mais alors vous savez que je suis passé récemment devant. Du chocolat pour chien. Un truc de CBD et ils vendent du CBD pour chien. Et ça, c'est connu ça. Ah bah, il paraît moi, que ça les détend pas. Vraiment et tout quoi. Des petits snacks au CBD et tout. Ça les défonce. Snoop Dogg. Allez, bah. Ah oui. Non, mais voilà. Mais c'est fou ce que ce gars va vite. Engage-moi, Camille. Engage-moi. Le regret. Prends-lui une blague. Tu regrettes là. Tu regrettes là. Tellement dégoûté. Ce gars va tellement vite. Il a une association d'idées. Une association comme à La Réunion. Allez, voilà. Je jongle en fait. Je jongle. Ce week-end a eu lieu un championnat du monde d'un jeu de société. Je vous le dis tout de suite, c'est le puzzle. Voilà, tout simplement. Mais à votre avis, quelle comment ça fonctionne horreur. C'est bah tout le monde a le même jeu et c'est le premier qui le termine. Très bonne réponse. Okay. C'était ça la question vraiment ? Ben oui, c'était ça la question. Gifle-moi peut-être. Gifle-moi. Mais non, il faudrait peut-être passer un petit peu moins de temps à écrire des mots dans les parties communes, à chercher des infos. Parce que là, c'est un peu facile. Ben, je vous dis quand même qu'il y a eu 500 participants cette année. C'est énorme en fait. Mais combien de pièces ? Je te dis ça. Je vais déjà te dire qu'il y en a 300. C'est un peu le concours de la personne la plus cool finalement de France. Pas, j'ai l'impression. Ben, la personne a gagné une Ferrari, tout simplement. Non, bah non, ah, bon. Bah non, le droit de mettre un mot dans les parties communes. Oui, voilà, c'est ça. En individuel, lors des qualifications comme de la finale, les candidats au titre doivent réaliser un puzzle de 500 pièces en 90 minutes maximum. Pour les équipes et binômes, l'épreuve est plus longue, jusqu'à 120 minutes, et les modèles assemblés plus complexes, 1000 à 1500 pièces très pour dur. Les équipes. Ah, vache. Lors du championnat commence par 2019, les coins, bien sûr. Comment ? Commence par les coins, bien sûr. Évidemment. Toujours. Et pas par le ciel et tout ça. J'en ai fait pendant un moment. Maintenant, je suis Lego. C'est ah, triste, mais hein. Bien sûr. Non, Lego, c'est Lego. Attention. T'es à la maison. Ah ouais. J'ai énormément de Lego. T'es Lego genre. Genre Kazian Ghostbusters. Ok, ouais. Oh, je l'ai tellement mal dit. Ah ouais. Kazian Ghostbusters. Ouais, SOS Phantom. SOS Phantom. La caserne et tout, des trucs genre de. Tu sais, 18 ans et plus. Mais bien sûr. Ah, c'est stylé. Et donc, ouais, et ça me prend mes gens des 4 jours. Ouais, mais moi j'adore. Et bah, moi j'ai fait tout l'appartement de Friends. Pas mal. Voilà. Pas mal. Moi j'ai acheté là récemment la DeLorean, mais en gros. Ils ont fait la grosse DeLorean. La petite, je l'avais aussi. Mmh. Et là, elle est énorme, mais j'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore. C'est dur de trouver du temps. Parce que je suis d'accord, ça prend bien 4-5 jours maintenant. Mais moi, Lego, c'est quoi. Très triste parce que j'ai fait la voiture de James Bond. Mmh. Et j'ai acheté la vitrine qui va avec. Donc elle est sous une vitrine. Ah, tu mets sous vitrine. Non, c'est la première fois. C'est une vitrine, on est d'accord. Mais t'allais pas jouer avec. Donc ouais, vraiment... mais sous une vitrine, vraiment, ça fait tuer en fait série. Pitié, ouais. Mais, mais est-ce qu'au moment d'acheter la vitrine, il y a eu un petit truc perso de. Ça y est, à la manière peut-être d'écrire un mot dans des parties communes, à savoir je passe ce step. Ouais, c'est dur. Vraiment, ouais, humainement, tu sais que tu te relèveras pas. C'est comme mettre une galerie de toi sur une voiture. C'est des moments dans une vie qui, tu sais que t'as basculé de l'autre côté. Une petite boule de tennis sur la queue de la bagnole, ouais, évidemment. Évidemment. Après, ou un cale-porte, imaginez. Franchement. Non, mais je pense que. Qui achète ça, quoi. Ce qui nous rassemble plus que les chiens, c'est qu'on est vraiment pas cool. Je pense qu'on a tous un truc vraiment. Moi, bah, j'ai ma gourde plate, hein, déjà. Vous l'avez vu. Tu commences déjà à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà abordé la gourde plate ? Je me suis fait insulter Oli, dans le. Ouais. Le rappeur Oli l'a littéralement traité de grosse merde. Il a dit ouais. C'est un truc de connard. Et voilà. Eh bah, plus en. Je rajoute à ça. Je fave Oli sur ça. Alors, faut savoir quand même, je suis encore sur ma petite histoire de puzzle. Ah, ouais, on va passer 25 minutes. On arrive dessus. À tirer la corde. Okay. Les organisateurs choisissent des jeux de la collection 2023 de Ravensburger. Pardon ? En gros, c'est ça. Ravensburger, ils en profitent de cet événement pour montrer leur petite nouveauté. C'est commercial, mon pote. Bâtard. Mais c'est l'argent qui pourrit les gens, mon pote. C'est pas un sentiment. C'est absolument pas un sentiment. Bah non, je te le dis. Un chevreuil a été aperçu seulement la zizanie dans le centre. On a changé de news là. Non, le chevreuil a gagné. C'est fou. Et très très bon en jeu de société, les chevreuils. Ils sont très forts. Le chevreuil a été aperçu seulement la zizanie dans le centre de Vernon, dans l'Eure. À votre avis, qu'est-ce qu'il faisait là, ce chevreuil ? On appellera Bernard. Mais il se sauvait d'un vilain chasseur. Non, ce n'est pas un Disney. Attends, un chevreuil était en pleine ville. En pleine ville. Et il y a une raison sur pourquoi il était en pleine ville. C'est une mascotte. Non, c'était pas normal. Il avait rien à foutre là. C'était quand ? C'était il y a quelques semaines maintenant. Ah ok, d'accord. C'était fin mai 2022. Qu'est-ce que fait Est-ce qu'il a été chassé de son habitat naturel par non, quelque chose ? Pas du tout. Pas du tout. Si. Non. Il s'est échappé de chez son vétérinaire. Non, non, non. Il voulait manger une glace. À la viande. Un chevreuil. Ben non, ben non, non, non, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faisait en ville? Ben je sais pas, il s'est tout ça. Il s'est perdu. Et alors... oui, je l'ai J'ai la bonne réponse. Bienvenue dans Réponse décevante. Le podcast des réponses décevantes. J'ai pas eu le temps de préparer. Ma fille est si jeune, j'ai plus de temps. C'est le podcast. C'est ce. Waouh, gage, les voyelles. C'est ce podcast-là qu'il faut faire. Le podcast des réponses décevantes. Personne n'a bu un verre d'eau, pourquoi à votre avis? Il avait soif? Oui! Il avait soif! Il a fait chaud, mais pour ça! Et vous, vous buvez de l'eau quand vous avez soif? Oui! Bah oui, moi aussi! Quand il fait chaud, encore de plus belle! Encore de plus belle! Non, alors, en vrai, il s'est perdu. Mais pourquoi il s'est perdu? Il voulait retrouver sa famille. Non, non, ça aurait été beau, mais ce n'est pas ça. Mais alors, il s'est perdu dans la ville. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? Attends, s'il s'est perdu, c'est qu'il voulait aller quelque part. Mais la ville était proche d'une forêt. Ah oui, la ville était proche d'une forêt. D'accord. Comment tu peux être perdu si tu vas nulle part? Peut-être qu'il y avait quelque chose sur la route qui, comme le petit pousset, genre des carottes. Non, non, c'est pas ça. Bien il vu. A été attiré par quelque chose. Non, c'est un truc lié à son état. Il a mangé des plantes cannabis. Alors. Je vais te l'accorder, c'est pas exactement ça. Des plantes de euphorisantes, hallucinogènes. Des fruits fermentés. C'était un chevreuil bourré. Il était bourré. Il était bourré, le chevreuil. Qui a une chanson paillarde pas ouf aussi, je pense. C'est le cousin de bourré, chevreuil. Et il était bourré dans le cul. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'inverse de bison futé en fait. C'est chevreuil bourré, c'est le pire conseil pour la route. Passe-moi. Mais foncez, putain. Passe-moi là. Partez le 1er juillet à 7h30. Si y a un mec qui double, vous doublez le mec qui double. On s'en bat les couilles, putain. La voix du milieu, c'est ok. Ne faites pas de pause. Aucune. Non-stop. Foncez. Dormir, c'est tricher. Mais qu'est-ce qu'il a bu? Alors il n'a pas bu. Il faut savoir qu'au printemps fleurissent les arbres avec eux les bourgeons. Des bourgeons qui sont chargés en alcool fermenté. Exactement. Okay. Et il en a abusé. C'est-à-dire que les bourgeons sont particulièrement chargés en sucre et un chevreuil peut en avaler jusqu'à 2000 par jour. Oui, bah après, c'est voilà. Bah, gros alcool. C'est des gloutons. Bah oui, non. Gros alcool, le chevreuil. J'ai un chiffre, un vrai chiffre pour vous. Est-ce que vous savez combien il faut manger de Mon Chéri pour être au-dessus de la... du taux d'alcoolémie? Ça me plaît. 2000 10 c'est plus. C'est plus 14 000. C'est la moitié. 7 000. Oui. Attendez, la réponse n'est pas décevante. Alors on prend pas 7 000. C'est 7 000, mon chéri, à peu près, hein, qu'il faudrait manger pour être au-dessus et de plus pouvoir conduire. Tu meurs avant du diabète. Tu meurs avant de plein de choses. C'est tout. Ouais, plein de choses. D'ennui. Hein? Non. De déprime. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alcool toujours au Japon. Un homme bourré a fait une connerie assez grave liée à son métier. Laquelle? Il un était médecin, bourré. Un médecin? Pas un médecin. Un contrôleur des trains? Non. Un menuisier? Non. Il a scié sa jambe? Non. Un garagiste? Non, pas un garagiste. Est-ce que il a pas fait un truc qui a causé la mort à des gens? Hein. Ça, on reste bonne ambiance. Bah ouais. C'est le bon ambiance casse. Trader. Pas trader. Il a vendu des actions dans un truc. Non. Dans quel pays? Collé des affiches? Au Japon. Il n'a pas collé d'affiches. Restaurateur? Pas restaurateur. Est-ce que c'est un métier dans un bureau? C'est un métier dans un bureau. Voilà. Exactement. Il faut... Comptable. Non, mais bien sûr. Il faut faire l'entonnoir. Voilà, c'est alors, c'est pas un comptable, mais on est. Un avocat. Pas un avocat. Mais c'est une entreprise, je vais vous le dire, qui gère des subventions. Je vais même vous dire mieux, des subventions liées au Covid. Tu donnes la réponse. Il a donné trop de subventions. Il n'a donné aucune subvention. C'est pas ça le problème. Il a dit qu'il y avait le Covid. Il a rendu public un truc. Ah non, il a rien. Il a déposé. Les gens étaient au courant. Les gens étaient au courant depuis quelques mois déjà. Il a déposé une enveloppe sur le mauvais bureau. Oh non. Eh bien oui. Le pont des Vancast. Le zozo. C'est un zozo celui-là. Et le zozo de la semaine. Eh ben c'est ce japonais. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il c'est a. Dur. Mais non, bah oui. Mais il a donné le Covid à des non, gens. Il a contaminé. Non, personne donné. Non. Il a pas porté atteinte à la santé des gens? Pas la santé. Non. Mais c'est lié à son métier. C'est pas la santé. Mais dis-toi, il s'est trompé. Il a dit à des gens qu'ils étaient positifs. Or, ils étaient négatifs. Et non. Je l'ai dit avec un ton hyper sûr de moi. Du coup, j'ai envie de te dire alors oui, qu'il alors est que pas médecin. Non, mais non, c'est pas un médecin. C'est quelqu'un qui doit donner des subventions à des entreprises et à des gens. Donc, il a donné à ses potes. Alors, non, je vais vous donner la réponse. Ouais, mais il y a c'est un sentiment d'échec. Non, trop facile, soit tu donnes la réponse. Ouais. Au bout d'un moment, non. Non, mais moi j'ai déjà écouté l'émission et elle est très dure aujourd'hui. Non. Là, aujourd'hui. Hein? Bah, c'est plus dur que la question du puzzle. Puzzle, j'avoue. Puzzle. À votre avis, il faut faire quoi? Un puzzle le plus rapidement possible. Oui, oui. Bien sûr. On sent que c'est la fin de saison. Il y a des petites critiques, alors que c'est un vrai travail que je fais. Non, mais... Ça prend beaucoup de temps. Déjà, c'est le seul à avoir un beau micro. Vous avez déjà parlé de ça, j'imagine. Je sais pas, peut-être. Oui, sûrement. Il faut savoir que voilà, il y a trois micros normaux et Monsieur Flo a un micro. Mais alors, même Philippe Bouvard, il avait pas ce micro-là. Un micro de professionnel de la radio. Certi de diamant. Dans 20 minutes, je freestyle aussi. C'est aussi pour ça. Voilà, ceux de Planète Rap, exactement. Il y a ceux de Planète Rap et nous, on a des trucs Fisher Price. Et alors, le pire, c'est qu'un des trois, Yvick, Mister V, a lâché une caisse dedans. Ah, c'est pas tellement le cas. On sait pas lequel. Non, mais il y en a un quatrième, c'est peut-être le. C'est peut-être le quatrième. C'est dégueulasse. C'est possible. Bien sûr, je t'inquiète pas. Je me doutais bien. C'est une entreprise qui donne de l'argent. Il a donné les subventions à des mauvaises personnes. Non. C'est pas par rapport aux subventions qu'il a données. Quand t'es bourré, tu fais moins gaffe. Tu fais moins gaffe. Il a supprimé des données. T'es pas loin. Il a perdu une clé USB avec les données de centaines de milliers de gens. Alors, pardon, pour moi, l'erreur, c'est d'avoir une entreprise et le seul endroit où il y a les données, c'est une clé USB. Alors, je pense pas que ce soit le seul endroit. Un serveur ou un vrai, bah, c'est chaud. Non, mais je pense que c'est pas le seul endroit. Donc, mais c'est pas une erreur. Non, il y avait des choses scandaleuses dans les. Bah, non, mais du coup, t'as les numéros de compte, t'as les noms, t'as qui a eu le Covid. Ah, numéro de compte et tout, ouais, chaud un peu. Non, c'est un peu le bordel. Je pense qu'il va se prendre un sacré blâme. Laisse tomber. Est-ce que vous êtes déjà vous retrouvez dans des situations un peu gênantes à cause de l'alcool ou d'un truc genre le lendemain de soirée? Moi, tout le temps. Moi, il y a l'enfance avec mon père alcoolique. Mais c'était pas moi qui gérais de l'alcool. Non, c'est vraiment sur vous. Donc, pardon, mais parle pas de tes trucs. C'est pas du tout dans le sujet. Non, j'ai rien. Non, parce que Camille, je sais que t'as fait une émission de radio, toi, peut-être. Bourré ? Complètement rebou. Ouais. J'en ai pas fait qu'une, mais il y en a une où vraiment j'étais sous. Quand tu sais ça? Je fais des petites recherches. Ah, ça bosse un peu en amont. Il y a le puzzle, donc du coup, j'ai fait d'autres recherches à côté. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bien bourré. Et du coup, je me suis dit, ça serait marrant d'offrir toutes les minutes un iPhone. Et donc, j'étais parti à offrir, que des iPhones toute la matinée et tout. Et la radio m'a quand même suivi, donc ça va. Mais j'ai dû offrir peut-être, 50 iPhones dans la matinée sur Virgin. Ouais. Non, j'étais bien. Mais... tu sais, les radios, le problème, c'est que tu fais une émission, par exemple, à Lille. C'est le vendredi. Sauf que t'arrives avec toute ton équipe le jeudi. Jeudi, on est tous ensemble, machin, et donc tu fais la soirée, et chaque fois la radio, c'est le lendemain matin. Ouais. Donc c'est un peu. Oui, toi, tu faisais le morning. Je faisais la matinée. Ah, mais c'était en nuit blanche, en fait. Ouais, on dormait une heure ou deux, ouais. Mais c'est ça. Mais c'est le problème, c'est dur. Bah ouais, non, c'est ça. C'est Radio Star, en fait. Le film a totalement raison. Ils étaient bourrés dans Radio Star aussi. Non, mais il y avait ce truc-là. Après, ils étaient en tournée, ils étaient en teuf. Ouais, ouais. Bah, t'es tous tes potes. Natou, il y a ta photo Wikipédia déjà. Mais moi, je pense que je l'avais raconté, ma première cuite vers 14 ans. Tu peux nous raconter, tu peux nous raconter. T'avais pissé là. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut la raconter aux gens? Bien sûr, avec plaisir. C'est franchement, c'est bien. J'aimerais qu'on le rajoute sur ma page Wikipédia d'ailleurs. On peut le faire pendant l'émission là, si tu veux. Vas-y, raconte. Non, mais j'avais 13 ans et j'étais en Irlande dans une famille d'échange où justement tu apprends à parler l'anglais du coup. Et les jeunes de la famille m'ont emmené dans un pub où j'ai bu une Guinness. Mais vraiment. À au quel bout âge de la... 13 ans, je crois. C'est jeune. 13 c'est un ou jeu 14 jeune. Ans. Et la moitié de la pinte, j'étais déjà ivre. Vraiment, ça m'avait fracassé. Fragile. Et j'avais retrouvé des copains qui faisaient partie aussi du programme d'échange entre les familles. Et donc des copains français. Et je n'étais plus donc avec les jeunes de la famille. Et on était entre ados qui continuons de boire un petit peu de bière. Et je suis rentrée dans ma famille d'accueil. Et mes potes m'ont lâchée parce qu'ils vivaient chez les voisins un peu plus loin, quoi, proche. Et j'ai eu une envie subite de faire pipi. Aïe. Donc je me suis rendue dans le jardin, j'étais en jupe, avec des collants chers, l'information est très importante. Je vais au fond du jardin et là j'entends qu'en fait la voiture de ma famille est en train de revenir, plein phare, face à la maison. Et je me dis, oh là là, vite, oh ben, j'ai pas le temps de faire pipi, je remonte tout mon collant, je baisse ma jupe et je vais devant la voiture, je leur fais un peu coucou, genre, hey, je suis là, je vous attendais. Et en fait je n'ai pas pu retenir, j'avais vraiment... une Guinness, enfin, une demi-Guinness. Une demi-Guinness qui a coulé le long de mes jambes en étant retenue dans les collants et vraiment en imprimant le circuit du flux urinaire. Donc d'où les couleurs chères. Sur l'info était importante. Et dedans, en plus, il y avait mon crush et il avait 15 ans. Oh. Le fils. Voilà. Et ah, cette la famille dans famille, parce que c'est le fils Sarkozy. C'est Louis Sarkozy. Je ne me rappelle plus de son prénom, c'est horrible. Mais cette famille accueille encore et des ils enfants. Ils ont tous fait genre. Aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète le plus. Je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment trop mignon. Ils ont tous fait genre qu'il se passait rien. Genre, ça va, t'as passé une bonne soirée. Alors que vraiment, il y avait douche, le pour le kiff. Il y avait le fils avec un de ses potes. Je les entendais ricaner dans mon dos. Et donc, j'ai foncé dans ma chambre et j'ai pleuré, mais toute la nuit. C'était horrible. Pleure, tu pisseras moins. Allez. Vous pouvez réagir au 21-22. C'est vraiment triste, vraiment triste. Ça va, on en rit maintenant. Mais il y a un truc à faire. Oh, bof, pas tant que ça. Ça t'a j'ai encore de l'émotion. Ouais, ouais. Le châle, là, ouais, d'accord. Mais ouais, j'imagine la réaction yeux. Quand même des parents, quoi. C'est vraiment les phares et tout. Et surtout, c'est. Ah, regarde, elle, oh, elle pisse là. Qu'est-ce que c'est, quoi elle nous fait c'est pas ta fille. T'es un peu inquiet, tu vois. C'est un truc français de se pisser dessus après ouais, avoir bu un coup. C'est leur coup de chien. C'est dégueulasse. On va fermer à clé ta chambre ce soir, Nathalie. On va verrouiller. Mais en même temps, faire boire de la Guinness, c'est un l'exorciste gosse. Vibes. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. En ce moment, ils ont vu que tu te pissais. Tu sais, ouais. Ma tête a fait un tour à 360 degrés, j'ai pissé. J'ai en même temps, faire boire de l'alcool à des jeunes. Moi, c'est vrai que j'avais ça aussi. Moi, mes parents, il y avait enfin, pas mes parents, mais genre ma famille, il y avait un truc genre, oh bah, il va boire un petit canon, le gamin, et tout. Et tu fais, bah, quelle horreur. Mais il n'y avait pas d'adulte avec moi. J'étais supervisé par des gamins de 15 ans, 14 ans. Ah oui, d'accord. Quoi. C'est pour ça. Mais attends, vous n'étiez pas dans un bar. Excusez-moi, vous cherchez la famille, les amis dans le bar, puis est parti. Ah, oui, donc déjà, ils sont très cool. Après, c'est en bizarre. Irlande. Non, mais, je sais pas. Non, mais les parents, ils vous avaient déposé dans le bar. Je sais plus comment ça s'est dégoupillé en vrai. Ok, d'accord. Mais peut-être qu'ils avaient menti, tu vois, je sais plus. Oui, donc ça se trouve, en fait, eux, c'était normal quand ils t'ont vu pisser. Ils ont fait bah oui, évidemment. Elle est bourrée. Eh, bienvenue en Irlande. Mais c'était vraiment un petit patelin en plus. Quelle horreur. Aïe, aïe. Alors, vous le savez, à Floodcast, on a une histoire avec Fort Boyard. C'est-à-dire que Fort Boyard revient très souvent dans nos vies. Le Père Fouras. On a invité plusieurs fois le Père Fouras dans l'émission. On avait un jeu à une époque avec le Père Fouras. En 2022, un énorme changement va avoir lieu au sein de Fort Boyard. Je vous demande. Il n'y a plus de tigres. Très bonne. Ils sont remplacés par de super tigres modélisés alors, en 3D. Alors voilà, c'est ce qui a fait un peu réagir le web. Ils sont super bien c'est faits. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les internets. C'est une info qui a fait le buzz, hein, que je vous partage là immédiatement. Le ramdam sur le web. C'est-à-dire que les tigres vont être en 3D. Alors, bon, Camille. En hologramme. On va pas critiquer la concu, hein. Je veux pas te mettre dans. Parce que je vois l'article Pure People arriver. Oh là là, Camille Combal s'énerve contre Fort Boyard. Mais voici les tigres. Ah, bah dis donc. Ils sont une petite animation. Non, c'est pas possible. Pas sympa. Non, mais c'est bien qu'il y ait plus de tigres parce qu'ils doivent galérer. Moi, je suis jamais fait l'émission. Moi, je suis 100% très bien. Mais n'en mettez plus, tu vois. Non, ou alors. Parce qu'il y a quelques émissions, on avait une news sur un japonais qui s'est fait fabriquer un costume ultra réaliste de chien. De chien, ouais. Mais là, c'est des. Non, mais tu vois. Mais là, c'est ultra réaliste. Tu prends non, mais tu prends des intermittents déguisés en tigre. Ouais. C'est plus marrant, ouais. Ça fait bosser des gens. Mais même juste des gens avec des peintures pour les enfants, là. Ouais. C'est juste debout, quoi. J'ai fait ça au Club Med, petit, j'avais été maquillé en tigre, c'est mieux que ça. Ouais. Vrai de vrai. Ouais, alors faut savoir qu'en gros, l'idée, c'est de pas faire des tigres réalistes. Leur référence, c'est les gargouilles. Ouais, on a vu, oui. Bah, c'est réussi. Bravo. Ou alors, c'est l'excuse que le mec a donné après, quoi. Ouais. Non, mais je cherchais pas à faire réaliste. C'est un carton qu'on voulait faire, nous, à la base. C'est un espagnol brut. Non, c'est un tigre. Il y a un piège. Faut savoir qu'à la base, c'était Hugo Clément qui, pendant l'émission, avait dit quand même c'est pas ouf de mettre des animaux. Et donc, ça, ils ont enlevé les tigres. Mais bon, personne l'avait dit avant lui. Des associations l'avaient dit, mais lui avait profité de sa participation au jeu pour en parler. Ah, génial. Mais il l'avait dit pendant l'émission. Ouais, ça a dû mettre. Pas en direct, donc il... Ça a dû mettre une bonne ambiance. Ouais. Il y a Fouras qui a fait oh, ça va là. Après, c'est mon premier. Mollo là. Et ben n'empêche, moi, c'était une des raisons qui faisait qu'à chaque fois je refusais de le faire. Moi. C'est vrai que t'as jamais fait, toi. Ah, oui. T'as ça fait, et les mini shorts obligés pour les filles. Ah ouais, oui, tu ouais. C'est obligé. Ouais, c'est obligé. Déjà, ils avaient enlevé l'épreuve des cylindres. Les cylindres qui étaient le seul but. Ah ouais. Et bien sûr, bah, évidemment, bien sûr. Voilà, mais ça, ils l'ont enlevé. Mais les histoires de shorts, une de nos potes l'avait fait il y a deux ans. Et c'était obligé. Ouais, elle nous en a parlé. Elle nous en avait parlé. Moi, j'ai refusé parce qu'ils voulaient pas que je porte un mini short. Et alors, je souhaitais être uniquement dans cette tenue. Non, mais en plus, apparemment, ils demandent aux gens est-ce que vous avez des phobies et tout, machin. Et en fait. Les tu salauds. Dis tes phobies et ils te font faire des épreuves. Ah, c'est oui. Horrible. En fait, c'est toxique au plus haut. Et c'est ce qu'on avait dit. Et le père Fouras déteste les associations puisqu'il fait tout pour que tu ne ramènes aucun argent à des enfants malades. Il faut je jette la clé, voilà. Et voilà. Mais c'est pas une asso. Tant pis. Désolé. Allez. Tout ça encore. Qui m'a aidé, moi? Qui m'a aidé? Qui est l'exemple? Prof. Père Fouras, vous êtes prof depuis le début. Calmez-vous, père Fouras. Mais oui. C'est le son qui tue. Nous, on l'a. On l'a, le son qui tue. Je suis le père Fouras. Je suis assis au fond de la boîte. J'ai entendu le son qui tue. Okay. Ouais. Ils ont raison, c'est bien. Non, c'est, un début. Bravo. C'est un bon mais attends, début. Cela dit, ils font toujours les trucs avec. Il y a des serpents. Il y a ça, il y a toujours. Ah, les serpents s'en bat les couilles, apparemment. Mais, pardon, je suis le seul à m'inquiéter pour l'humain. Que va devenir Félindra tête de tigre? Bah, reste une tête de tigre, il y a les tigres. Bah, Félindra, c'est la tête de tigre en 3D. C'est ça. Bah, cela dit, elle tournait pas la tête du vrai tigre. Elle a jamais dénigré le tigre. Ah non, pas du vrai tigre. Félindra tête de tigre. Non, non. Insultant. Aïe, aïe, aïe. On a oublié, mais quand ça a commencé, elle tournait des vraies têtes de tigre, elle dénuquait des tigres. Félindra, bien sûr. Là, ils ont dit, bon, non. L'assaut a dit peut-être des trucs en 3D plutôt. Effectivement, ouais. Ça nous fera moins de merde. Bah, elle sera toujours là du coup. Oui, elle va toujours tourner le truc. Mais tu dis oui, mais t'en sais rien. Non, elle sera en 3D aussi. Non, très bien. Il a fait le geste d'homme politique. Je le sais très bien. Sarkozy. Il y a Fabien Olicard qui va regarder ce que je viens de faire. Il va vous le dire tout de suite. Je sais très bien ce que je dis. Vous le savez, des chaînes d'infos parlent du burkini souvent dans les piscines. Mais qui s'est fait virer? Qui s'est fait virer dans la piscine du Ritz récemment? En burkini? Une célébrité, pas Diams. En burkini. Non, non, une célébrité, pas à cause du burkini. Ah. Mais c'est un peu ironique. Vous verrez au moment de la réponse. Nadine Morano. Non, mais on est dans ces eaux-là. Christine Le Pen. Pas Marine Le Pen, pas Christine Boutin. On est dans cette sphère. Tu viens de dire Marine Le Pen et j'allais le redire. Si Marine Le Pen. Vas-y, vas-y. Marine Le Pen. Non, oui, il fallait le dire deux fois. C'est drôle, il faut donner deux fois toujours les réponses. La nièce? Oui, Marion Maréchal. Non, pas Marion Maréchal. Est-ce que c'est quelqu'un d'extrême droite? Ah oui, ah oui. Le Z. Le Z. Habitué de la piscine. Mais c'est génial, il se fait virer de partout, lui. Parce que déjà, il s'est fait virer du foot en salle en du faille. Frère de Zidane. Ouais. C'est une des meilleures vidéos de l'année. Ça peut devenir une trend. Et nous, et bah, on l'a jamais invité dans le podcast. Donc. Il faut qu'on l'invite. Quand il arrive, on rigole, mon pote. On voulait pas de toi. Habitué de la piscine du Ritz, un célèbre palace situé place Vendôme à Paris, Éric Zemmour a vu son abonnement annulé à cause d'un comportement jugé excessif. Alors, le comportement, la scène me fait un peu marrer. En gros, une ambiance se serait considérablement tendue il y a quelques semaines après qu'une cliente américaine ait emprunté le même couloir de piscine que lui. Donc il s'est embrouillé avec une touriste qui était genre eh oh bah c'est ma ligne de piscine là, vous faites quoi là? Et donc il y a eu une sale ambiance. Vieux gars, chacun dans son couloir de nage. Mais c'est ouais. Et les moutons seront bien gardés. Ça ressemble à notre Zemmour ça. Hein, ça ressemble à ça. Ah, n'empêche, je trouve ça stylé de leur part qu'ils les viraient lui du coup. Parce qu'ils auraient pu le virer. Bon, ils ont peut-être viré la meuf aussi. Non, mais apparemment c'est un relou. C'est ce que disait le truc. D'autres clients se seraient aussi plaints du comportement. C'est sûr, vraiment. On dénonce un peu dans ce podcast, mais apparemment Éric Zemmour c'est relou. C'est vraiment genre chacun chez soi, même dans les lignes d'eau. C'est incroyable. Je crois que visiblement il pense qu'il dit, ouais, je crois qu'il y a un truc un peu. Ce que j'aime bien, c'est que genre énorme raciste. Non, c'est bon, vous pouvez venir. Il râle un peu quand. Non, non, ça, c'est inaccessible. Ça, c'est... Oh, ça va maintenant. J'ai une anecdote sur le Z. Oh, vous voulez je mets une petite serviette, là, je mets une petite serviette autour de mon cou. Je suis dans un resto l'été dernier. Un resto là, et ils nous mettent au bord de la route avec ma meuf et mon chien. Tu vois, ils nous mettent au bord de la route là où les scooters passent et tout. Et du coup, je dis, bah, le mec vient et dit, ouais, désolé, on est complet. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Il dit, dès qu'il y a une autre place, je viens vous mettre ailleurs, quoi. Et au bout d'un moment, il arrive, il me dit, voilà, bon, finalement, vous pouvez aller vous mettre là juste à côté. Alors, c'est une table de 8, ils sont que 4, et du coup, vous serez à la même table et tout de 8. Et je dis, ah, génial. Et là, ma meuf me tape dans la jambe, mais genre aussi fort que vous l'entendez. Et donc je dis, mais un problème est convulsé, je comprends pas ce qu'il y a, tu vois, je vois pas le délire. Et en fait, donc je dis, non, bon, on va rester là. Donc là, on avait la place la plus éclatée du resto. Et donc je comprends pas, je dis, meuf, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, il y avait Éric Zemmour juste à côté dans le resto, et avec donc sa une femme, je sais pas laquelle, une femme, et sa fille. Et donc je me serais retrouvé à manger à la table de Zemmour. Et c'est le bad buzz. La petite photo là, allez. J'ai que l'animateur vedette tombe. Mais surtout que le truc, c'est comme une table là, on aurait, ça aurait vraiment donné la sensation. Ah ouais. Qu'est-ce que tu manges, tiens, tu veux goûter mes calamars, ça dit, ça dit d'être dans le panda de Massinger. Non mais imagine, genre non, il dit je peux avoir le sel et tout, tu lui mais passes photo à ce moment là, ben oui. Terminé. Ah, c'est horrible, gaffe, hein, des frissons. Faut faire gaffe quand on est connu. Raciste combat. Donc on s'est vu qu'après tranquille quand on est là. On a partagé une bière, voilà. On a attendu que la dernière. On a fait un petit mini golf après tranquille. Mais... Non, il s'est fait virer du mini golf de Versailles également pour comportement abusif. Chacun son trou. Mercredi sort Les Mignons 2 Ok. Oh. Et le créateur des Mignons, Pierre Coffin, est français. Cocorico ou quoi? Oh, Cocorico. J'ai bien l'impression, bravo, Cocorico. Non, ouais. Et bien, dans notre pays, il a animé un personnage de 3D qu'on voyait dans tous les postes de télé au début des années 2000. Bill du Big Deal. À votre avis, lequel? Alors, ce n'est pas Bill du Big Deal. C'est Bill Vincent. Qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Bill du Big Deal. Il a fait une imitation, t'as entendu? Vas-y. Non, mais t'es. Non, t'es à la maison. Attends, Bill du Big Deal. C'est juste pour dire, ça fait partie du lore de l'émission. Au même titre que le père Fourage, Bill du Big Deal, c'est la maison. C'est notre icône. Alors, donc, ça m'a fait plaisir. Vas-y. Mon ami Vincent. Oh, c'est pas loin de ça, si on est à peu près. Mon ami Vincent. Oh, mon ami Vincent. Oh, mon ami Dieu. Mon ami Vincent. Oh, ouais, Vincent. Oh, derrière le rideau. Natou. Mon ami Vincent. Ah oui, oui. Moi, je suis en train de penser que dans Stéréo Club, t'as le poste qui parle aussi. C'est un petit peu sur le principe. Mais c'est ça, on le dit dès le départ. Ah, mais on change pas la voix, nous. Ah, si, un peu. Non, elle est juste vocodée. Ouais. Ah, y a... Et t'as un costard aussi qui t'arrive jusqu'au genou comme Vincent Lagaffe. Rose fuchsia, exactement. Yes, bonjour Émilie. La moitié du crâne ici. Exactement. Et je chante la Zoubida à chaque début et chaque fin d'émission. Ah, et Natou tout se régale. D'où le repas avec Zemmour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et, hey, Mokhtar, le scooter volé. Génial, Tami. Donc ce n'est pas Bill du Big Deal. Je me rappelle plus du tout de la question. Il y avait un jeu avec une ligne. Alors ce n'est pas René la Top. De quoi? Il y avait un jeu où tu devais appeler et guider un personnage dans un wagon. Ah, Hugo Délire. C'est pas ça. Ce n'est pas Hugo Délire. C'était France 2 en plus. Ouais. C'est... Bah non, c'est pas Crazy. Je me rappelle plus de... Crazy, pardon. Non, c'est désolé. Pierre Coffin. T'inquiète. Ah, Pierre Coffin. Ouais, Pierre Coffin. D'ailleurs, Pierre Coffin, je le rappelle, il y a très longtemps, nous avait envoyé un mail en disant qu'il écoutait le Floodcast. Mais oh, oui, c'est sympa. Parce qu'on avait fait des vannes sur les Mignons et il disait bah c'est marrant parce que j'écoute l'émission et je suis le créateur des Mignons. Ce mais qui c'est vrai. Oh, je lui ai dit mais faudrait trop que tu viennes, Pierre. Et plus jamais. La relance. Mais voilà, Pierre, si tu écoutes pour les Mignons 2, mais... sois mignon. Oh, sympa. Il y aura Natou avec nous, elle t'offrira un cale-porte. Donc oui, Pierre Coffin, par exemple, il avait fait des personnages en 3D de sur Téfou, par exemple. C'est des trucs où il avait commencé avec ça. Bah ne googlez pas, je t'en prie. Sinon il y a plus de choses. Attends, parce que c'est laisse-moi regarder. Non, parce pas que vous cherchez. Donc ce n'est pas Crazy Frog. C'était dans pas un Crazy Frog. Jeu. Ce n'était pas dans un jeu. Une pub. C'était dans une pub. L'ours cajoline. Non, pas l'ours cajoline. Une vache qui rit. Pas une vache qui rit. Donc un personnage 3D Yoko. Dans une pub. Du début des années 2000. Ah, Yoko. Non. La c'est quoi marque Yoko de Squeezie. Oui, pour moi c'est la marque de Squeezie. C'est quoi Yoko? Non, les. Ah, non, c'est un personnage avec des cheveux rouges, quoi. Ah oui, je m'en souviens. Putain. Oh la Haribo, c'est Bolavi, le petit bonhomme là. Il était pas animé lui, je crois. Si. Les pubs au cinéma là, t'inquiète pas, qu'il dansait avec tout le monde. Avec des humains, des vrais humains. Il y en avait pas dans les petits Pimousse? Non, alors vous cherchez dans de l'agroalimentaire, vous pouvez vous en écarter. Ce n'est pas de l'agroalimentaire. Wow, c'est de la voiture. Cofidis. C'est tellement de la voiture. C'est pas c'est de la voiture. Ah, alors, c'est pas CTLM, ce n'est pas de la banque non plus. Quand j'ai précisé années 2000, c'est parce que cette marque n'existe plus, mais à l'époque, cette pub on la voyait partout. Partout. Personnage en 3D, y a pas de piège, hein. C'est pas un dessin animé 2D, c'est ouais, mais vraiment pas agroalimentaire. C'est pas ouais. Donc une pub, plus. Une marque qui n'existe plus. Oh, mais non, c'est de l'agroalimentaire. Le gros quick. Pareil, qui doit bien se marrer là-haut. Ni quickie. Un Footix. Pas Footix, mais ça aurait été pas mal. Il faut qu'on essaie de trouver la marque. Est-ce que vous voulez que je vous oriente sur la marque? Non, c'est pas moi. Il adore le jeu, j'adore jouer. Il adore. Marque de vêtements? Pas de vêtements. Est-ce que c'est un service? Non, c'est pas un service. Je vais vous donner un autre truc qu'il a fait, qui n'est pas la réponse. Okay. C'est lui qui a animé, par exemple, le petit écureuil de la caisse d'épargne. Ah, c'est voilà. Ça, c'est lui qui l'a fait. Ah, bravo, hein. Il l'a créé. Il n'était pas tout seul, mais il a fait ses premiers travaux. Est-ce que la réponse, c'est l'écureuil de la caisse d'épargne? Non, mais peut-être. Réponse de Malinx. Malinx le lynx? Non, pas le lynx. Ça existe encore. Non, pas le chat. C'est pas un service, tu dis? Non, c'est pas un service. C'est pas des fringues. Passons déjà, essayons de trouver la pub. Bah ouais, c'est d'accord. Pas mal. Vous êtes une belle. Essayons de trouver la pub. Enfin, la marque, ouais, c'est ce que tu as dit. J'en prends le rôle de leader. Tu vois ce que je. Y a aucun problème, on met les invités. Oui, le plus en avant. Un jeu de société? Non, MB. Mais tu t'approches. Jeu vidéo. Tamagotchi. Non. T'énerve pas. Pardon. Chope-moi la gorge. Ouais, pardon. Non, pas un jeu de société. Pas un jeu vidéo, mais. Y a un jeu, c'est un jeu? Un jeu à gratter. Banco. Non, c'est millionnaire. Un jeu à gratter début 2000. T'as côté Astro. Personnage 3D. Astro. Morpion. Le loto, non, c'est pas gratté. Non, si, Morpion. Non. Il n'existe plus ce jeu. Mais je sais pas, ah, je. Vous y êtes ouais, là, mais là, on était pas des porteurs. J'ai peur que vous le trouviez pas du coup. On va la voir. Bah, si, putain, il y avait un truc. Ça y est, ça me revient. Ah, millionnaire, on l'a dit. Je redis que des trucs. Non, ça me revient. Pas Philippe Risoli. Est-ce qu'il y avait un jeu télé avec? Non, c'était que le truc à gratter. Ah, ça me rend fou. Le Blackjack? Parce que tout à l'heure vous avez dit jeu de société, c'est peut-être aussi un peu ça, mais c'est un jeu à gratter, c'est une pub pour un jeu à gratter. Jeu à gratter. Ça a un nom. Qui n'existe plus. Ça, et ça a un nom. Très connu. Keno. Le Keno. Non, pas le Keno. Putain, c'est, oui, c'est et ouais, pas mal le Keno. Oui. Mais non, mais il y avait un truc. Oui. Mais on grattait pas de jeu. Non, non, moi, mes parents non plus. Ah, vous étiez pas là-dedans? Vous n'aviez pas à Noël des petites enveloppes avec plein de jeux à gratter quand, si tu... Non, mais ça. Attends, j'avais pas ça. Bah, en fait, c'était le personnage qui hurlait le nom du truc. Ah, il hurle. C'est en deux syllabes. Ah, je l'ai pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pas du tout. Non, non. Je l'ai pas. Je sens vraiment. Parler à deux voix. Ah, le jeu de loi. Non, le, oui, loi, bah le, c'est ça, c'est le cochon Dédé. Le Dédé, le cochon. Le Dédé, cochon. Dédé. Allez, il se casse, Camille est parti malheureusement. Oh, yaya, yeah, yeah, il est énervé, il est furax. Ah, non, non, il peut. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, faut l'avoir. Ouais. Je l'avais à ce moment-là. Dédé le cochon, je revois exactement. Tu en vois pas? Si, si, bien sûr. Il hurlait. Il a mimé le cochon. Dédé. Il faut gratter Dédé. Il faut gratter Dédé. Pourquoi je devrais gratter Dédé? Tu as un peu la voix de Bill du Big Deal. C'est ça, c'est la même. C'est pas du tout le slogan. Si, si, parce qu'en gros. C'est la punchline du truc. Il faut gratter Dédé, effectivement. Mais pas c'était pas Dédé le nom du jeu. Si, si, non, c'est ça. Si. Bah, d'ailleurs, Dédé. C'était pour moi. Alors, je suis content qu'on en parle et qu'on débunk ça aujourd'hui. C'est que normalement, lui, le cochon ne s'appelait pas Dédé. Mais la pub était tellement culte et connue que la Française des Jeux avait sorti le jeu Dédé. Wow. Et ils appelaient cochon, le cochon Dédé. Sauf que c'est le cochon s'appelait pas Dédé. C'est un puits de savoir. Ce gars est un puits de savoir. On va mourir moins bête. Hein. Je tape un petit peu ma pipe sur la table parce que là, j'ai l'impression qu'il y a deux, trois choses. Oui, c'est mon doigt. De faire un bien joué, Dédé, je le revois. Bah ouais, les mignons ont été créés par la même personne qui a créé Dédé. Mais Pierre Coffin. Le jeu Pierre s'appelait Coffin. Comment? Le jeu de loi. D'accord. Et après, c'est devenu Dédé après, tellement devenu le berceau Dédé. Était connu. Ah, ok. Et voilà, et okay. Voilà. Et voilà. Cette semaine, wow. Parce qu'encore une fois, on est dans le futur, sort la deuxième partie de la dernière saison de Stranger Things qu'Adrien a adoré. C'est oui, on en parlait tout à l'heure. J'ai adoré l'épisode 7. Je trouve qu'avant, j'ai eu l'impression qu'ils avaient une moitié de saison et qu'ils nous ont fait un peu attendre jusqu'à l'épisode 7 où tu fais ah voilà. Oh là là. Là, on est un peu sur de la langue de bois parce que juste avant, ils nous disaient c'est pourri. Oui, bah du coup, attends pendant 6 épisodes épisode bien, c'est que c'est pourri. Moi, j'ai bien aimé, moi. Bah oui, mais moi j'ai beaucoup, pas regardé. Mais c'est vrai que par exemple, Eleven, je comprends pas pourquoi là elle se met à mentir à tous ses potes alors que la saison d'avant c'était Friends Don't Lie. Parce que c'est magique. Je trouve pas trop la logique. Oh là là, regarde. Mais Adrien a un podcast à lui qui s'appelle Eo les séries télé, ça dit quoi? Où il critique un petit peu les séries. Après, moi j'avais télé. Pas aimé la saison 2 déjà. Donc, Et la 3? Je l'ai pas regardé. Et la 1, mais surtout que t'aimes pas cette série. Ça a changé d'ampleur parce qu'au début c'était genre 6 gamins, il y a des trucs pas cool un peu qui se passent en dessous. Tu dis ouais, et maintenant, mais c'est un film. Plus, moi j'ai peur. Ouais, mais oui, mais super sauf trash que. Hein, cette saison. Ouais. Oui, mais sauf que les personnages. Ils sont genre ouais non mais c'est normal pour nous on a l'habitude et tout et du coup je trouve que l'enjeu il est pas ouf parce que ils ont pas très peur eux. Non mais même entre eux ils sont pas trop cool quoi, ils se retrouvent après une année sans s'être vus je crois et ouais mais ça c'est les ados. Je trouve que t'as pas tant aimé que ça Natou il a non j'ai bien aimé mais il y a des trucs illogiques. En revanche, les scènes, elles sont folles. Le monstre, il est fou, Vecna. Ouais, ouais. Ça, t'as adoré, toi. Moi, j'aime la bien. Fan de films d'horreur. J'enlève les petites films d'horreur. Natou, la scène dans la patinoire reste une cata à mes yeux, mais ça n'a aucun sens. Ah oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à l'adulte responsable de la patinoire qui met la chanson et qui fait n'importe quoi. Ça va te faire sortir de tes goûts. Il y a 800 personnes après qui regardent la gamine se faire soigner. Tous les gens sont horribles. Et après, il y a littéralement un démorgorgon qui arrive et qui fait grosse nuit. Alors tu pues. Non, c'est vrai que ouais, c'est moins bien. Mais ça a de la gueule quand bon, même. Mais ça reste sympa. C'est bien, c'est charmé. C'est la meilleure série. J'ai regardé après. Hein, je te regardais. Et commence à parce que j'ai pas suivi de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Il y a des nouveaux épisodes. On s'arrête pas là. En gros, qu'il y a trois autres épisodes. Là, à l'heure où on parle, dont un qui dure une heure et quelques. C'est ça. À l'heure où on parle, en fait, la deuxième partie de la série est déjà sortie. C'est-à-dire que là, les gens qui vont nous écouter savent les choses parce que ça sort le 1er juillet et l'épisode un peu après. Ah ouais. Ils ont des trucs qu'on n'a pas nous. Mais là, l'épisode 7 qui est mort là, m'a chauffé à mort pour voir la suite. Évidemment. Là, l'épisode 7, c'est le feu d'artifice. Oh là, le bouquet. J'ai adoré. Eh bien, sachez qu'une marque a annoncé commercialiser un produit dérivé assez surprenant, vu ce qu'est la série. À votre avis, lequel? Officiel de la série Pas du tout officiel. C'est ça même change ça tout. Le truc. C'est ça le truc. Pas du tout officiel. Bah, les patins roulettes. Non, pas les patins roulettes. C'est alors, assez surprenant. C'est par rapport à la saison ou la série en général? La série en général. Ah, déjà. Ah non, mais il précise. Ah, mais le jeu de société auquel il joue, hein, tout pas le temps. Pas un jeu de société. Ah, le Donjons et Dragons. Ouais. Ça existe pour de vrai, quoi. Ah oui. Bah, oui. C'est à ça qu'on joue dans La Bonne Auberge, par exemple. Oh, sur Twitch, non, vous pouvez aller voir. Ouais. Ok. C'est assez surprenant parce que c'est quand même. Le vélo? Pas le vélo. Est-ce que c'est un genre un médicament pour pas faire des crises, pour pas s'énerver comme Eleven? Non. Une lampe pour communiquer avec l'au-delà? Non. Est-ce que c'est un rapport avec des trucs un peu ésotériques? Non. Non, pas du tout. C'est un truc. Enfin, que... Non. Est-ce que les créateurs de la série pourraient, je dire, non, hors de question que vous sortiez ça? C'est même fou qu'ils aient pas dit ça encore. C'est fou. Ah, ok. Ouais. Mais donc, même je sais. Attaque en justice. Genre, ça a à voir avec l'hôpital là où il est. Non. Ok, donc je sais pas. Non. Non, du coup. Non, mais attends. Je sais pas ça du va tout. Être brandé et Monica non, c'est oh, oui, ça va être brandé je peux dire ça bon, je prends bah oui bien sûr Monica, sur toi ça ne va au final pas être commercialisé car l'annonce sur internet oui mais l'annonce sur internet les gens ont dit oulala mais de toute façon s'ils n'avaient pas la licence ils ne pouvaient pas le vendre voilà c'est sûr bon c'est pour faire le buzz c'est pour faire le buzz attends quelque chose qui fait saigner du nez comme Eleven tel de la coke de non. La coke dusty exactement non c'est un truc qui est légal mais ça n'a rien à voir avec une série avec des enfants d'autant plus ça n'a rien à voir avec la série c'était juste si ça c'est je voudrais vous le dire c'est un à l'image d'un démorgon d'orgon mais c'est un god c'est un god oh mais non donc, c'est ça je veux dire ça n'a rien à voir avec l'objet n'est pas dans la série non c'est pas ça vous voulez sortir un god un sextoy un démo god gorgod alors c'est gorgod le titre ils n'aiment pas alors c'est pas un god mais c'est une vaginette qui a cette image les geeks vont se régaler hein waouh ça a des dents littéralement. Alors Adrien, une note sur 10 peut-être? C'est 9 sur 10 pour moi. Non mais c'est génial. Évidemment que déjà oui tu enfin c'est le seul produit dérivé qui fait sens. Bah oui, quand tu vois le design du monstre. Quand on y réfléchit. Quand tu vois le design du monstre, tu fais bah oui, bien sûr. Ouais. Alors c'est une vaginette pour décrire, c'est une vaginette et c'est comme quand le monstre ouvre sa tête là. C'est ça quand il est un peu énervé. T'accueillant. C'est le moment où c'est tout dit. Son bienvenue qui est vendu avec. Parce que vraiment, c'est, tu peux y aller. Le moment où on s'est tous dit j'aimerais trop mettre ma queue dedans, bah, ils se sont dit la même chose. Tout le monde, même moi. Mais bien sûr, mince. J'aurais aimé y mettre un sein. Tremper mon sein dans le démorgogon. Chers amis, j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités et ils ont des questions à vous poser. Nathalie, par exemple, ça fait quelque temps, j'ai l'impression qu'on ne t'a pas vu jouer la comédie. C'est vrai que tu as continué à faire des vidéos. Bah, ça t'as tombe fait... bien parce que avant-hier. Alors, justement, je te trouve super talentueuse et très drôle. Est-ce que tu as prévu d'en refaire? Eh bien, j'ai un petit rôle dans un film d'action. Pas mal. Qui sera sur Netflix. Je crois que j'ai pas le droit de dire le nom. Ok, ne dis rien. Oh là là. Après, on a vu les stories, on se doute un peu. Il a fait plein de Mickey Enigmes, hein, ce mec. Tu mais peux pas le tester. C'était trop cool, j'avais des scènes d'action, je vais tirer mais sur donc, des gens. Mais donc, qui n'est pas une comédie? Non, pas du tout. Ah, c'est ça. Je bute des gens. Bah, oui. C'est super Molo. Dur. Je suis là, on ne m'attend pas en fait. Vraiment. C'est, excuse-moi, est-ce que c'est ton Chao Pantin? Oui. Pas la ref. Mais si, c'est connu, bien sûr. Mais tu l'as perdu là, je crois. Non, mais contre-emploi. Balle perdue. Non, c'est pas ça en plus. Ah bon? Non, c'est pas ça. Il a cru. C'est avec Allemand le Noir. Ah oui, c'est pour ça que j'ai cru que c'était Balle perdue. Ah oui, donc c'est action. C'est action de fou. Et d'ailleurs, c'est pas le perdu de... j'ai failli être gravement blessé sur le tournage. Ah, mais oui, bah, c'est déjà tu t'es éclaté pour le film. Mais je devais tirer dans une vitre et il y avait un FX préparé pour que la vitre explose d'un côté, de biais, pas face à moi. Ouais. Et en fait, y a un éclat qui m'a percuté le pouce et là j'ai une entaille assez profonde. Mais ta main n'a aucun sens déjà, parce qu'il y a eu mais le doigt. Mais j'ai deux doigts blessés sur cinq. Il y a eu le doigt explosé à donc la vitre a explosé dans ton sens. Mais oui, en fait, tu vois la vidéo de profil, il y a vraiment des éclats qui viennent un peu vers moi. Heureusement que dans ma cascade, entre guillemets, parce que c'est pas grand-chose, je dois pivoter et me retrouver de dos face à la vitre. Sinon, j'avais vraiment pas mal de verre qui venait sur moi. Et face je me suis à la vitre, mise à... calopatie. Et je me suis mise à saigner à grosses gouttes sur le set. Ah ouais. Et j'étais chaude, donc j'étais en mode, moi, c'est pas grave et tout. Mais après réflexion, je me suis dit, mais t'imagines l'impact dans l'œil? C'est terminé. C'est chat ou pantin l'œil? Oh oui! Waouh, pantin l'œil. Mais je suis trop contente. Le rendu, il va être. Cette scène va être cool, je pense. Est-ce que t'es. Comment dire? Tes qualifications de keuf sont remontées? Figurez-vous que le chef Cascade a vraiment dit deux fois. Elle est très précise dans ses gestes. Allez, on peut l'applaudir. Bravo. Merci. On peut l'applaudir. Comme quoi, ça a tué des gens, ça m'a servi là sur le tournage. Aïe. Camille, tu as remaké en France le Carpool Karaoke de James Corden. Stereo Club, c'est une adaptation aussi de That's My Jam de Jimmy Fallon. Et à chaque fois, tu as rencontré les gens qui ont fait ça. Est-ce que tu as pu les voir travailler? Est-ce que ça t'a inspiré dans ta façon de préparer tes émissions? Ouais, j'ai pu aller les voir et ça c'est très cool. Et en fait, ils bossent. Ça inspire pas, mais en tout cas, c'est bien de voir à quel point. Mais eux, c'est une armée, hein. On n'est pas prêts, hein. Nous, c'est. T'as vu Fallon, Corden, les deux peut-être J'ai vu les deux. Ouais. J'ai vu Corden à Los Angeles, Fallon à New York. Vous savez par exemple combien il y a de gars Vous savez, Jimmy Fallon, il démarre, il fait. il fait 5-6 minutes de blague au début. Ouais, un monologue. Ce monologue-là, il a 10 auteurs qui écrivent que ce monologue, mais qui n'écrivent pas. Dont Flaubert. Oui, putain, j'allais dire. Dont Flaubert qui écrit, quand on voit des vannes. Et les gars ne travaillent pas à côté. Ok. Et ils font que ça. C'est-à-dire, c'est à l'année, ils n'écrivent que ces blagues-là. Et il est juste le monologue. Ils écrivent sur rien d'autre de l'émission et ils ne peuvent pas travailler ailleurs, ce qui est une bonne chose parce qu'aux États-Unis, pour laisser de la place pour les autres, quand t'as un travail, tu peux pas accumuler tout ça pour pouvoir qu'il y ait d'autres auteurs qui puissent faire leur truc. Ils doivent être très bien payés. Voilà. Ouais. Et que les mecs font des blagues. Des fois aussi, parfois. Ces mecs-là. Ouais, bien sûr. Le soir, du coup, aussi font des vannes et tout sur scène et tout. Mais toi, d'ailleurs, t'as combien d'auteurs ? J'en ai qu'un. On écrit tout avec mon pote, moi. La honte. Camille Clochard. Non, on est deux. Tu nous as vu, on est deux, quoi. Oui. On est, c'est la tristesse. Mais par contre, ce qui était fou, c'est que t'avais toute une équipe américaine sur le tournage de Stéréo Club qui sont super investis et qui chapotent et qui regardent comment ça se passe. Qui vérifient qu'on ait gardé bien l'esprit de l'émission. Mais ils étaient au moins 10 en plus. Ouais, mais c'est toutes les équipes de Fallon, c'est tous les auteurs de Fallon. Mais non. Donc eux étaient plus nombreux à venir des États-Unis que nous à la faire en France. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est cool. C'est génial. Et ils n'ont rien dit que ce soit Zemmour le premier invité. Eux, ça leur allait, tu vois, dans un délire. Ils s'en foutent, The Z, ils n'étaient pas contre, quoi. Mais ça t'a pas mis une pression en plus de savoir qu'il y a toute une partie ricaine qui est là? Franchement non, ça va, c'est cool. Après quand tu vas les rencontrer, tu te dis bon, est-ce que ça va être bien, est-ce que tu dois quand même tourner avec eux des sketchs en anglais et tout, c'est quand même un délire, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que comment parce que t'avais fait je sais pas si c'est dans l'émission, mais je l'ai vu sur Instagram, que t'as fait une petite vidéo avec Fallon. Corden, t'avais carrément fait un carpool karaoké avec lui. Ouais. Ça, c'est pas trop le speed, le stress, t'as quand même le temps de te poser un peu, ou c'est quand même un peu rapide. T'arrives et tu tournes avec eux, et t'imagines, par exemple, tu dois faire un carpool avec Corden, il est ténor léger, le gars, tu dois chanter Sia, chaîne de lire avec lui, et en plus, tu parles anglais, rien du tout, donc il y a quand même, ça fait quand même beaucoup de choses sur 3 jours, mais. Franchement, c'est cool, hein. Ils sont dans leur délire, ils font leur télé tous les jours, mais il arrête lui maintenant, Corden. Ah ouais? Ouais, mais quand je l'ai vu, il avait déjà l'air. C'est une quotidienne, c'est fou. Il a trop tiré sur la Corden. Oh! Mais c'est incroyable! Écoute-moi bien, engage-nous, on sera 4 comme ça, ce serait chambé. Mais c'est quoi le principe de Stéréo Club? Le principe du Stéréo Club, je connais pas, en fait, moi, c'était une émission musicale. Il y en a tout qui est dedans. Mais oui, j'ai trop hâte. Ouais, c'est génial. Et c'est, en fait, c'est les meilleurs segments musicaux de Fallon qu'on a vu dans son late show, qu'il a mis dans une seule émission et il en crée un jeu, en gros, pour qu'il y ait un peu de compète. Et c'est tout ce que t'as vu, les meilleurs trucs musicaux qu'il a fait dans son émission et que tu retrouves là. Et ben après, on l'a beaucoup francisé, on a fait beaucoup de choses, mais il y a du lip sync battle, il y a du karaoké, du blind test avec des structures de fou. Bref, c'est ouais, tout ça. Mais du coup, moi, ça sera sorti. Ouais. Quand est-ce que ça passe? C'est pas, ça sort lundi. Donc c'est, ouais, ça vient de sortir. Ah, et dans ce cas, les gens savent peut-être que j'ai pu faire un lip sync avec Ophélie Winter. Ouais, lip sync battle. Il y a des guests et tout, ça tue. En plus des invités. Ça tue. Il y a Ophélie Winter, il y a Roméo Elvis, vous a ramené MC Solar. Ah oui, trop bien. Ouais, franchement, on passe. C'est très, très, très canon. Et tu comptes en faire combien? T'en as déjà fait combien? 102. Ah oui, 102. Donc c'est non, on a fait ces deux-là. Après, on verra ce qu'il arrive. Déjà, on est trop content d'avoir fait ça. Ouais. Et ouais, c'est très cool. Et tu sens dans tes envies de d'émission et de présentation qu'il y a une espèce de passerelle entre deux générations. C'est une question qui posait ça, d'être une espèce de point de bascule entre les personnes plus âgées peut-être et très ancrées dans la télé et des plus jeunes. Quand t'invites des gens comme Natou, par exemple, des gens d'internet, est-ce que c'est quelque chose de conscient ou est-ce que c'est un truc qui se fait très naturellement? J'invite les gens. Moi, je sais pas si ça se fait naturellement, mais j'invite les gens que j'ai envie d'avoir avec moi. Donc un peu plus de ma génération, mais ce qui n'empêche pas qu'on a aussi des gens plus. Enfin, je fais le medley de tout ça, quoi. Ouais. Mais je me pose pas trop cette question. Mais c'est vrai que quand je fais une émission, ça me fait trop plaisir quand Natou vient. Comme Alex, Ramirez, tout ça. Oui, donc famille en or, on met Kev McFly et Carlito. On s'amuse comme ça. Il y avait Natou. Aussi. Elena. Et ouais, et donc ça me fait trop plaisir d'arriver à mélanger tout ça. Ouais. Donc ça, c'est cool. Nathalie, j'ai adoré t'entendre parler de ton enfance dans la vidéo avec ta mère où tu parles de tes différents beaux-pères. J'aime aussi beaucoup quand tu es invité dans le Floodcast. Est-ce qu'animer des podcasts sur ce genre de sujet avec des invités concernés est un exercice qui pourrait te plaire. Un podcast sur ma mère? Non, un podcast, je pense, sur des sujets où tu parles avec des gens, des trucs un peu... Un truc un peu intime. Un truc un peu intime, exactement. Eh bien, pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup parler dans un micro, même s'il est moins bien que celui de Flo. C'est toujours un bon moment. Je sais pas, il y a une atmosphère qui se crée, tu vois. Bah ouais, ouais, carrément. Un peu plus posé. Et surtout, mais... t'avais fait un podcast, toi aussi, pour... Enfin, t'avais fait une fiction mais audio. C'est une fiction, ouais, une fiction audio. Sarah. Ouais, ouais, sur Deezer, je crois. C'était chiant, mais ouais. Ouais, c'était ça. Une question. Bon, déjà pour Camille, quelqu'un dit allez l'OM. Moi, j'y connais rien en foot. Est-ce que c'est une provoque? L'OM, est-ce que c'est le club de Marseille. Ça, ouais. Ça va jusque là. Ça va jusque là. Bah ouais, je suis supporter de l'OM. Ah ok, très bien. Ah, quelqu'un qui te dit allez l'OM. C'est pas une provocation. C'est donc c'est pas une provocation. C'est... Non, c'est pas une provoque. C'est un gars qui sait que je suis pour l'OM et qui apparemment t'embrasse. Est-ce que tu sens une vraie différence entre la radio et la télévision? Donc c'est une question. Évidemment, j'imagine que oui. L'image déjà. J'ai l'impression. Enfin, mon humble, de mon point de vue en tout cas, moi. Pour moi, la question, pardon. Je me disais, bah oui, il y a une énorme différence en fait. Mais pardon, c'était pour toi. Ouais. Micro, ouais, bien sûr. Je me permettrais peut-être de préciser un poil la question en disant est-ce que tu retrouves est-ce que tu arrives à faire venir la liberté que tu avais en radio à la télévision? Est-ce que c'est le truc de la radio qui est canon, c'est que tu as une idée de ce qu'on après tu l'as fait. En télé, c'est 2 ans après, tu peux la faire. Donc c'est un autre rythme qui est très sympa. Tu peux faire des belles choses et tout, mais c'est vrai qu'il faut, en côté cours de récré, rien vaut la radio. Tu vois, ouais. La radio, t'es cool, tu fais immédiatement ton truc. La télé, t'es maquillé, t'es machin, t'es trucs, voilà. Et puis les émissions, t'es obligé de les valider 6 mois, 8 mois à l'avance pour tout monter. Donc il y a une petite diff, quoi, qui est cool, mais on s'est bien marré en radio quand même. Bah oui, et tu sens une différence entre parce que par exemple, Stéréo Club ou Camille et Images, c'est une émission que tu portes toi, enfin tu vois, il y a ton nom dans le titre, des choses comme ça. Est-ce que tu sens une différence entre ça et par exemple quand t'as repris Danse avec les stars et tout? Est-ce qu'en termes de pression c'est plus en fait t'as deux types d'émissions. T'as les émissions que tu en gros fais toi du début à la fin, auxquelles tu penses, auxquelles tu réfléchis, t'as envie de faire, tu penses à tes invités. Puis il y a d'autres émissions où t'es juste l'incarnant, l'animateur, c'est Danse avec les stars, Massinger, tout ça. Ouais. Où moi j'arrive, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est pas moi qui ai décidé de la danse, c'est pas moi qui ai décidé de tout ça. Je suis pas là dans ce truc là j'essaie juste de mettre du lien dans tout et leur donner des petits conseils de danse quand même parce que j'ai de la facilité voilà, parce que je pense que vous l'avez vu, je l'ai en moi. Bien sûr, ça se voit. Faut dire que tu es arrivé en rondade, c'est déjà incroyable. Il y a une certaine grâce. Vous m'avez vu sortir de l'ascenseur, mais vu prendre le cale-porte de Natou, il y a une sorte de voilà. Mais après, ouais, sur nos émissions à nous, on est libre de faire un peu plus ce qu'on veut. Sur le côté artistique, on en fait un peu plus, ça c'est cool. Ouais. Quelqu'un demande aussi, est-ce que tu avais testé le stand-up? J'ai fait du stand-up. Ah oui, quelqu'un qui j'avais vu au Paname il y a 1000 ans. Ah ouais, c'est ça, quelqu'un qui dit je t'ai déjà vu sur scène. C'est moi qui ai tweeté. Je savais pas comment aborder le sujet. Je t'ai vu il y a longtemps. J'adore, c'était bon. Mais moi je suis monté à Paris pour faire ça à la base. D'accord. J'ai quitté mes montagnes pour venir à Paris pour faire ça. D'accord. Et après un peu par hasard tout ça, je me suis retrouvé à faire autre chose, rien à voir même, mais c'était très cool. Le tout début on était payé au chapeau. Bah au Paname. Bah ouais. Donc t'as commencé. C'était à combien de temps ça? T'as pas été hyper généreuse, Natou, d'ailleurs. Ce soir-là, j'aimerais y revenir. Au chapeau, ouais, c'était une vraie galère, ouais. Ouais. J'ai fait, je sais pas, au moins 1 an et demi, 2 ans de Paname, quoi. D'accord, ok. Je savais pas du tout. Ouais. Je savais pas. Et c'est un truc que tu pourrais. Non, c'est un peu derrière toi. Ou bah, j'aimerais truc... bien, mais c'est. En fait, je sais pas. Je pense que c'est compliqué. Il faut avoir du temps. Ouais. Après, on est. Je pense aussi, c'est dur d'après. Est-ce qu'on nous attend vraiment sur ce genre de truc une fois qu'on a fait de la télé et tout? Je sais pas. C'est un autre débat. Et j'aimerais qu'on fasse. Bah, Koé l'avait fait. C'est non vrai, il l'avait fait. Mais il l'a fait dans l'autre sens. Oui, il l'a fait dans l'autre sens. C'est plus souvent dans ce sens-là, justement. Enfin, j'ai l'impression. Qui après se dit je vais faire du stand-up. Oui, c'est vrai, t'en as fait avant. Oui, c'est un peu à l'américaine, je trouve, parce que souvent, justement, les Jimmy Fallon et tout, ils sont comédiens, c'est plus de l'impro que du stand-up, mais ils passent par la scène et après. Conan O'Brien. Animateur, donc, ouais. Puis ils font tout les Ricards. Il y a par exemple, il y a plein de comédiens, genre Adam Scott et tout, qui est dans la dernière série de Ben Stiller, qui est formidable. Mais il anime aussi un jeu produit par Ryan Reynolds. En fait, il n'y a pas de problème à venir faire un peu de télé. Steve Carell aussi fait de la télé, tu vois. Le Lego Master au States, c'est Will Arnett qui présente ça. Tu blagues? Ouais, je te jure. C'est vrai. ouais, et, ouais, la, ouais. Et j'ai vu que le truc avec putain les deux magiciens là, je sais plus comment ils s'appellent. Qui ça? Tango et Cash. Non, les deux mecs. Bon bref, j'ai oublié leur nom, mais non. Penn and Teller. Voilà, ah oui, oui. Ils ont une émission télé et ouais. C'est présenté par la meuf qui jouait Willow dans Buffy et qui joue. Ah oui, bien sûr. C'est elle qui présente ça maintenant. Ouais, ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est vrai que ouais, je m'étais dit, il y a pas de. Mais je trouve qu'on y vient un peu en France quand même. Bah pas trop, je pense, mais ce serait bien. Ça. Il y a un débat, il y a un débat. Un peu, un peu. Bah, pas trop, non, non. Ouais, un peu quand même. Ouais, du coup, non, non, non. Ouais. Ah, non, mais Natou, un peu quand même. moi, je trouve. Parce que tu vois, par exemple, bah, c'est ce que je te disais, Flo. Mais c'est que moi, des fois, parce que moi, je suis donc scénariste et comédien. On sait, on connaît ton parcours exceptionnel. On a vu des choses, on a lu des trucs à en chialer de, tellement c'était beau. Arrête. Non, non, non, non, c'est, non, mais, non, c'est incroyable. Non, non, mais et ça m'arrive de faire des réunions avec des gens pour le boulot et ils me parlent du floodcast et je sens que c'est plus un facilitateur qu'un obstacle, tu vois. Alors qu'à une époque, je pense qu'on on aurait pu dire attends, c'est le gars qui fait des floodcast, enfin qui fait des podcasts, c'est pas. Enfin, qu'on aurait mis des. On aurait séparé les deux trucs. Et là, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu plus de. Tu peux faire autre chose, tu peux faire plein de trucs et c'est pas grave. C'est quoi ce. Écoute, c'est un charbon pour purifier l'eau. Ah ouais, moi j'ai des. Petites Brita boules, là. Ah non. Ah oui. Non, non, j'ai acheté deux Brita, une tonne sur Amazon. Et dès que je l'ai reçu, elle m'a dit non, c'est pas cancérigène. Oui, je crois que c'est pas si fou. Hein. Et donc, du coup, bah, j'ai deux Brita. Vous savez ce que je fais, moi, dans ce podcast Bah, moi, je vais chercher mon eau dans un puits artésien à Paris. Ouais, j'ai acheté deux énormes bidons. Mais qu'est-ce que t'as, t'as une gourde plate, toi? Moi, je bois l'eau du robinet. Voilà. C'est oh là ce que je fais. Oh là là. Oui, mais elle est encore chaude. Facho, facho. T'es un facho. Mais enfin, je pensais que t'allais aimer. Non, parce que si, ça vient directement si, des nappes j'adore. Phréatiques, du coup, elles sont vraiment bien mais chargées attends. En oligo-éléments. Mais, t'es déterre, mais, attends, mais il est où ce truc? Mais du coup, je transporte tes bidons vers, dans le 13ème. Ah, oui. Mais oui. Vers les, la butte aux cailles. Oui, c'est ça. J'ai habité à côté et je peux pas te dire mieux. Je connais, même la piscine de la butte aux cailles, elle oui, est alimentée par cette flotte-là. Ah, tu l'as jugé hyper vite alors que t'es en train d'adhérer au projet non, de non, mais après, c'est très contraignant. Faut y aller avec. Non, non, je t'adhère. Dans quelle porte tu vas chercher des bidons d'eau? Non, il faut y aller en voiture et tu as des énormes bidons qui pèsent du coup. Oh, facho, facho, tu pollues pour aller chercher de l'eau. Achète une voiture électrique. Non, t'es pas, mais c'est pas ouf. Non, mais parce que tu profites d'un déplacement pour faire un petit détour pour aller les chercher. Tout à fait. Voilà, donc ah, c'est pas. Bien joué, voilà. Bien joué. Ah, c'est si, dans de la tête, en train de faire dans de la tête. Je sais ce que je veux. Camille, question. Des gens qui ont j'ai vu. J'ai encore des questions. Ouais, on m'a jamais posé autant de questions. Je suis vraiment flatté. Un petit pseudo qui te donnait. Bien, ouais. J'ai question. Question. Quand tu as fait le tournage, il fait tout noir avec Aurel et Poulpe. Oui. Yes. Est-ce que vous avez ouvert les bouteilles de vin du proprio? Est-ce qu'il l'a remarqué? On a tellement ouvert. sachez que ouais. Il y a une cave à vin ouais. Du propriétaire de cette petite maison là. Il y a le propriétaire, mais laisse ses bouteilles. Et donc tu dis bah y a cave à vin, t'es sympa, mais qui est genre à température et tout. Mais du coup il a laissé ses bouteilles. Et ça fait quand même maintenant plus d'un an et un jour que je suis dans cette demeure. Donc qui a lu Tintin? Oui. J'ai lu un peu Tintin. Dans Tintin, quand il perd un truc, il dit ouais, je trouve un truc. Et il dit dans un an et un jour, il sera à toi. Ah, apparemment, il y a cette règle un peu tacite, tu vois. Moi, ouais. J'avais le truc avec qui tombe par terre. 5 secondes. 5 secondes. Ouais. Après, ah, c'est 3 secondes, toi. Ouais, moi, c'est 3 secondes. Si c'est tu louches et il y a un courant d'air, tu vas rester coincé. Ah, oui, après, on s'éloigne beaucoup. Hein. C'est plus tellement. Moi, mon père m'a jamais dit je t'aime. Ouais. Le mien m'a abandonné. C'est vrai. Oui. C'est génial parce qu'on sait plus si c'est vrai ou pas. Ah, c'est vrai, c'est tout vrai. Est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Donc Tintin. Wow. Donc Tintin. C'est hyper léger par rapport à ce que vous dites. J'ai vraiment pas de fond par rapport à vous. J'ai plutôt une belle enfance. Ah, c'est cool. Fou. Mais j'aime bien croiser des gens qui ont une belle enfance. Ouais, parfois. J'ai vraiment. Moi, c'est ça existe. Ça existe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était canon. Et donc qu'est-ce qu'on disait? Et du coup, il a laissé ses bouteilles. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui elles sont à moi? Je crois que oui. Non, non, je crois pas. En tout cas, Poulpe l'a considéré qu'ils étaient à nous et que du coup, on a bu les bouteilles, exactement. Tout est vrai dans cette histoire et la bourrasserie était vraie. La bourrasserie de fin de épisode est vraie. Non mais cela dit, je veux juste revenir parce que tu vois, le fait pas du doigt. pardon, j'ai passé les bornes. Non mais le fait que tu dises que t'as eu une enfance heureuse et tout, je trouve ça cool parce que il y a un peu eu un cliché de dire ouais pour être marrant faut avoir souffert et tout. Et moi j'ai souvent je dis Je pense pas, même si j'ai pas forcément d'exemple sous la main, je pense pas que ce soit une règle. Et du coup, toi, a priori, t'es plutôt quelqu'un d'heureux et t'es marrant. Moi, j'étais. Mais j'ai grandi en station de ski, moi, vers Serre-Chevalier. Oh, le salaud. Non, mais raciste. Et il faut savoir que les stations de ski, en dehors de période de ski, bah, c'est ta Disneyland pour toi, en fait. Tu fais tout ce que tu veux, tout est à toi et c'est trop cool, quoi. T'avais des potes quand même aussi. J'avais des potes, ouais. Parce que. Mais c'est comme ça, sur moi, il c'est ça. Tabassé un peu quand même. Non mais genre moi mon père nous filait sa voiture à 14 ans pour dire tiens va voir ton pote, j'ai pas le temps et un tout. Peu limite. Et, bah ouais mais c'est comme l'Irlande quoi. Ouais. Mais on faisait ce qu'on voulait, ouais. C'était oh vraiment là. Très cool. On a c'est une vrai que tu décris un truc féerique là. Dans les montagnes magnifiques. C'est et génial. Tout, Mais John Mulaney qui est un stand-upper très drôle, il a rendu hommage à Robin Williams dans récemment il y a Netflix a sorti un truc qui s'appelle en gros c'est une sorte le truc est un peu bizarre c'est une espèce de Hall of Fame de l'humour. Sur ouais. des humoristes décédés et c'est des humoristes modernes qui rendent hommage à des humoristes décédés. Genre, t'as Dave Chappelle qui rend hommage à Richard Pryor. Il y a des trucs comme ça. Et John Mulaney rend hommage à Robin Williams et justement, il parle de ça. Il dit Robin Williams, c'est la preuve que c'était quelqu'un de joyeux. Il était malade. Il s'est suicidé quand même. Mais non, après, il était malade. Il était malade. Non, mais oui. En gros, quand il faisait du stand-up. Je c'était... veux pas le savoir en fait. Mais je te jure, regarde. Quand tu regardes heureux, ouais. sur son documentaire. Ah ouais, putain, la joie de vivre. Non, allez, pardon. Quand il faisait du stand-up, il était très heureux, justement. Il n'avait pas souffert, il était dans un truc très joyeux. Il volait les blagues des gens, forcément. C'est vrai aussi. Ah ouais? Quoi? What? Mais non. Ah oui, il était alors, connu il vo- pour. Il était connu. Si. Oui, il volait tu les l'adores, toi, moi j'en ai rien à foutre. Il volait les blagues des gens, il allait pas de Madame Robin Doppler Williams. Ici. Robin Williams, c'est. Non, la vraie histoire, c'est qu'il volait des blagues. C'est la vraie histoire, ce que je viens de dire. Oui, déjà. Mais il les faisait mieux. Non. Je rajoute un petit truc. Il les faisait à la télé avant. Il payait les mecs. Mais après. Il payait les mecs après. Mais ce qui était pas ouf, c'est que. En gros, ouais. Il donnait un. Enfin, tu vois, c'était quand même voler des blagues à des petits humoristes qui avaient pas de sous. Donc, en fait, t'avais pas trop le choix, quoi. T'étais un peu obligé de lui donner des blagues. C'est pas des gars qui ont écrit pour lui, non. C'est vraiment. Non. Il allait dans les petits comédie clubs. Il faisait, ah, pas mal ça. Il allait la. Oh. Lui, c'était une star. Donc, il allait avec la faire. Calepin, il allait tout. La faire, la blague, à la télé. Donc, la blague, elle était dans le grand public et tout. Donc, c'était mort pour c'est le petit gars. Et après, il allait voir le gars, il fait, ah, en fait, j'ai fait une de tes mais blagues. Mais c'était il après. De la thune, quoi. Moi, ce que j'avais cru comprendre, mais peut-être je me trompe, il donnait la thune à la fin du show. Genre avant de faire la blague. Non quand non, même. Non non après. Ah ouais. Il ok disait, bah, tu vois il j'avais disait, pas ah, compris putain, ça. J'ai fait une de tes blagues tiens je te donne temps et il y avait même une à une époque une lumière spéciale ouais. dans les comedy clubs pour dire il y a Robin Williams dans la salle. Ah une petite non. lumière quand que le une mec lumière qui est sur scène dise je vais peut-être pas faire mes meilleures blagues parce que il y a Robin Williams. Il y avait Mitchell Berg qui avait eu un truc comme ça vous voyez qui c'est stand-upper il ouais. est fantastique ouais, là, très dur à saisir mais c'est de Chicago je rien comme ça il avait eu un truc je crois je veux pas dire mais avec Bill Cosby ou un truc comme ça aussi où il s'était ouais. fait péter des blagues bah, mais après beaucoup, sauf qu'il là, était devenu hyper connu et du coup il était genre Mais même Amy Schumer, enfin il y en a plein, hein, des gens qui étaient. Oui, elle avait. Quoi ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, bah, non, elle avait été accusée d'avoir volé des blagues. Elle a piqué des blagues, ouais, il y avait des montages et tout qui montraient. Chers amis, je vous ai demandé il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être même juste au moment de vous refaire des cafés, des recommandations culturelles. Ouais. Et je voulais savoir si vous vouliez bien les partager avec nos chers amis auditeurs. Nathalie. Oh, volontiers. Je conjure. Moi, j'avais envie de parler de la traversée. Bien sûr, que tu peux nous dire ça. Parce que ce n'est pas qu'une vidéo de McFly Carito dans la Méditerranée. C'est également. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est également. Je ne veux pas me percuter. Ouais. Ben, c'est un film dans lequel il y a Audrey Pirot. Bien sûr. Qui est une de mes meilleures amies. Et dedans, elle est vraiment magnifique. Elle joue trop bien. L'histoire est très jolie aussi. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes de cité qui va passer 15 jours sur un bateau avec un skipper. Un skipper, ouais. On dit skipper. Skipper, c'est s'il est sur Skype. Oui, c'est quelqu'un qui passe un appel téléphonique. C'est ça, exactement. Un skipper. Un film moins cher, mais un peu moins bien, quand même, soyons bien honnêtes. Un skipper plein de préjugés. C'est donc, ça, joué par Alban Ivanov. Voilà, au début, ça part mal, et forcément. Ah, le vivre ensemble, voilà, l'histoire. Évidemment. Donc, je savais pas à quoi m'attendre. Je l'ai vu en avant-première, et j'avais un peu peur, parce que des fois, les comédies françaises, ça peut être un peu cliché. Ouais. Et là, en fait, pas du tout. Vraiment, ouais, ça marche très bien, c'est drôle. Il y a des petites séquences émotions. Enfin bref, et Audrey quoi. Bah, Audrey, ça fait plaisir. Elle est géniale. Audrey, elle est venue plein de fois dans l'émission. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi été vachement ému de la voir sur une affiche. En plus, c'est. Mais t'as pas vu le film encore. Je n'ai pas encore vu le film. Elle est exceptionnelle. Mais dedans. Juste de la voir sur une pas affiche. Pas étonnant. Oui, c'est pas sûr, étonnant, c'est sûr. C'est une des meilleures actrices qu'on ait de cette génération-là. Et pour l'avoir, enfin moi ça m'a vraiment ému de l'avoir sur une affiche. En plus c'est génial parce que elle a jamais fait de trop de second rôle dans des films quoi. Enfin c'est un peu son premier rôle au cinéma et direct elle est un peu premier rôle quoi. Et en plus à l'avant-première elle arrivait avec son ventre, elle est enceinte. Elle avait un crop top à la façon de Rihanna finalement. C'est Rihanna, c'est plus ou moins Rihanna. C'est notre Rihanna. Et tout n'était qu'émotion. Ah génial. Et donc le film est sorti d'ailleurs. Le film est sorti ou sort ce mercredi, c'est le moment où vous nous écoutez. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir La Traversée. Avec Alban Ivanov. Oui, sorti il y a 3 ans, si vous nous écoutez très tard. C'est vrai, c'est vrai. Mais s'il nous écoute dans 4 ans, par exemple. C'est, en streaming. Sorti il y a 4 ans. Il y a 4 ans, mais dans 5 ans, par exemple. Le film sera sorti il y a 5 ans. C'est fou, putain. Il va vite, hein. 6 ans. Ah non, mais. 6 ans. Bacchès. Bacchès. ES option mat. Ouais, moi, mention moi. Mention quoi? Ah bien. Oui, déjà pas mal. J'étais une carafe en cours, je m'en sors. Ah, je voulais parler d'un autre truc aussi. Le rattrapage. Gros nul. Attendez, excusez-moi. Elle en a nul. Les 7 vies de Léa. Ah, c'est chambé. Putain, mais en fait, personne en a parlé. J'en ai vu parler nulle part, aucune promo, rien, même sur les réseaux sociaux, alors que la série est vraiment cool. Alors que t'es accro aux réseaux sociaux en plus, toi. Mais moi j'adore ça, et TikTok et tout là, attends. Mais tu scrolles, toi. J'adore scroller. T'es une TikTok girl, j'ai l'impression. T'es une TikTok girl, plus ou moins. Ah non, pas ça. Oh bah oui, écoutez. Ah, on fait tous des. Faut pas. Mais on les adore. La petite voix douce pour le dire. Je suis mal. Mais on les aime. Allez. Non, vous l'avez pas vu? Vous avez pas regardé ça? Si, moi j'ai vu le premier épisode. Les 7 vies de Léa. Mais franchement, bien. J'ai pas eu le temps, c'est vachement bien. J'en ai entendu parler, mais alors, si tu peux, c'est une série française. Série française, science-fiction, ouais, finalement. SF. Et en fait, donc Léa va faire un malaise sur un lieu où un jeune homme a disparu 20 ans plus tôt. Et elle va se réveiller dans le corps de ce mec. Mais chaque jour qu'elle va passer, elle va se réveiller dans l'un des corps des protagonistes de l'histoire. Donc un ami, un frère, un homme, une femme, enfin tout. Ça tourne à chaque fois. Et je trouvais ça super bien fait. Ouais, non, c'est vachement cool. C'est français bien. Donc. C'est français. Ouais. Ouais. C'est français. C'est sur Netflix. Et c'est passé inaperçu. Okay. Bah, c'est vrai parce que c'est surprenant parce que Netflix, pour le coup, il y a toujours une espèce d'armada promo quand il y a un truc qui sort où vraiment tu le vois partout. Surtout les séries françaises vu qu'il n'y en a pas un milliard. Bah, c'est ça. Et là, c'est il y a quoi en série française? Bah, il y a Family Business. Drôle. Business. Plan cœur. Adrien, ta recommandation culturelle. Bien sûr. C'est une vidéo YouTube d'un YouTuber que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Nico Omilana. N-I-K-O, Omilana, comme ça se prononce. Et il a notamment. Alors, il a pas mal de vidéos marrantes. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Beta Squad. Et ils font aussi des vidéos. Alors, j'aime pas tout. Mais ils ont des concepts qui sont vraiment très marrants. Notamment un truc qui s'appelle Secret Identity. Où en fait, ils sont tous les 5 ou 6 juges. Et il y a 6 personnes qui arrivent en phase 2. Et les 6 personnes ont une combinaison verte intégrale. Mmh. Donc on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et en gros, ils disent devinez qui est. Alors, il y a par exemple devinez qui est la personne noire. Parce qu'ils sont tous noirs, eux, dans le collectif. Et donc ils posent des questions et tout. Et ils lui disent toi, tu viens d'où, machin. Ils doivent deviner. Et il y a plein de trucs comme ça. C'est hyper. Mais c'est américain ou français? C'est anglais. Ils sont anglais. Et ils ont d'autres trucs aussi où ils doivent eux se faire passer, c'est-à-dire qu'ils sont, il y a par exemple 6 personnes avec les yeux bandés, genre 6 vieux par exemple, avec les yeux bandés, et il y a un des mecs qui est avec les vieux, et les personnes avec les yeux bandés se posent des questions entre eux pour essayer de deviner qui est l'imposteur. Et eux doivent se faire, ils ont des super concepts comme ça. Mais lui donc, Nico Omilana, qui fait partie de ce collectif là, il a fait une vidéo, alors le titre en français est « J'ai fait une blague à l'homme le plus raciste d'Amérique ». Et en fait, il est allé lui donc aux États-Unis et avec comme objectif d'interviewer, c'est un leader du Ku Klux Klan. Ouais. En fait, il y a une ville aux États-Unis qui a la réputation d'être la ville la plus raciste des États-Unis. Ouais. Et donc, dans un premier temps, il va dans la ville et demande aux gens, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que vous êtes raciste et tout. Donc, il y a un côté un peu humain assez cool où tu vois les gens qui disent, bah non, on n'est pas raciste, mais en fait, c'est parce qu'il y a un mec du Ku Klux Klan qui habite pas loin. Ok. Et du coup, il dit « Ok, bah, je vais aller l'interviewer. » Et il arrive, c'est vraiment le niveau d'audace du mec et j'ai jamais vu ça, en fait. Bah, est-ce qu'au bac, par exemple, quand on lui a demandé ce qu'était l'audace, il a rendu une feuille blanche et il a jamais existé, ça, tu le sais. Bien sûr que il a eu 20 sur 20. Il a eu 20 sur 20. Lui, voilà. Non, il va interviewer le mec du Ku Klux Klan, mais en lui posant... En fait, il se fout de sa gueule pendant toute l'interview. Oui. Par exemple, il lui dit... Alors, tu vois, il dit, est-ce que vous pouvez dire, j'ai été, c'est un peu dur à traduire, mais en gros, il dit, est-ce que vous pouvez dire, j'ai été très content de faire une interview avec une BBC. Ouais. Alors le mec, il dit, j'ai été très content de faire une interview avec la BBC. Il dit, non, c'est une BBC parce qu'en fait, BBC en anglais, c'est Big Black Cock. Ok. Et donc il dit, non, il faut dire. BBC parce que c'est pas la BBC et tout, et donc il lui fait dire des phrases de... et c'est génial quoi. Oui, je crois que j'ai vu un extrait sur Insta où en gros tous les noms, il pose des questions en disant c'est une question de, et en gros tous les noms de famille, bah Apple à Philippe Bouvard, sont des jeux de mots et ça lui fait dire des trucs horribles. Mais sauf que là il lui fait dire une question de BLM. Oui, voilà. Donc il fait dire BLM, Black Lives Matter, un leader du Ku Klux Klan et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est fou quoi. Et après, j'ai regardé, il a fait aussi d'autres vidéos où il s'infiltre dans des manifs de racistes comme Marie en Angleterre. S'infiltre. Voilà, exactement pareil. Une sorte de. Et il fait blablabla, il baisse son pantalon et là je lui dis mais quel génie en fait. Non, et dans des manifs racistes en Angleterre où il dit non mais moi je fais partie de votre groupe et tout, et les gens y croient pas. Bah, oui. Il se fait menacer mais il s'en bat les couilles, c'est incroyable. Donc voilà, j'aime pas tout ce qu'il fait parce qu'il fait beaucoup de pranks qui est pas trop mon truc. Bah non, mais il fait aussi des trucs vraiment incroyables. Donc voilà, meilleur pranker c'est Eric André, ça son nom. C'est le bordel, c'est incroyable. Son talk show, mais ses pranks quand même, ils sont c'est osé, mais il fait quand même des trucs de par jour. Mais il y a eu le film carrément sur Netflix, non? Ouais. Mais le film, c'est le passage avec les gorilles. Notamment. Je l'ai vu d'ailleurs. Bah, je suis pas allé au bout, mais il est pas mal. Non, mais il a des trucs. Il a des trucs. Mais truc de con dans un mixeur là où il fait genre semblant de faire des smoothies et la main passe dans le mixeur. C'est hyper trash. Eric André, ça, dans les parties effectivement caméra cachée du Eric André Show, je les trouve toujours très marrantes quoi. Mais parce que souvent c'est lui. C'est les pranks que j'aime bien, c'est lui qui est très ridicule, et ce qui est drôle c'est les réactions des gens. Il y a pas ce truc où il leur fait croire des choses. Moi c'est ça que j'aime moins dans les pranks, faire peur aux gens, son meilleur de tous. Il le fait, vous avez jamais vu, il se met en... Donc les gens arrivent, et tu sais, il y a toujours ce truc là où, regarde, il y a une surprise en fait, tu es fan d'Ariana Grande, en fait elle est derrière toi. Mais sauf que quand tu regardes la vidéo, tu dis, c'est pas possible que les gars aient pas grillé. Ils sont face à une caméra de dos, et tu aimes bien Ariana Grande, et t'aimerais bien la rencontrer, et toi t'es là, tu dis, attends, s'il a compris qu'elle allait arriver. Et donc ils font ça, et donc tu sens, c'est sur Beyoncé. Donc tu sens que les mecs disent, ouais, c'est ma plus grande idole et tout, et tu sens qu'ils se disent, allez, je joue le truc, mais j'ai compris que Beyoncé allait arriver. Sauf que c'est lui qui arrive en Beyoncé comme ça, et donc les gars font le truc. Il s'y croit pas et après il ouvre. Mec, celui-là c'est ah non, mais c'est à crever. Mais ça, moi j'aime bien quand ils font ça. Ils avaient fait un truc très marrant. Ils ont un peu un truc très classe, les Américains. D'ailleurs, je sais même pas si c'est possible en France, mais ils aiment bien, alors qu'ils sont pas dans les mêmes networks, un peu faire des blagues les uns sur les autres. Et genre, il y avait Jim, ils avaient pour le April Fool, pour le Poisson d'Avril, tout simplement. Ils avaient inversé. C'est-à-dire que Fallon présentait l'émission de Jimmy Kimmel et Jimmy Kimmel présentait l'émission de Jimmy Fallon. Anec, puisque j'ai pu en parler avec Jimmy Fallon, il m'a expliqué Fallon et ses équipes, il y a vraiment que les deux qui étaient au courant de ça. C'est-à-dire toute l'équipe a préparé vraiment. Personne ne savait. C'est-à-dire Jimmy Fallon, il a dit, je peux pas aller au bureau ce matin-là. Ouais. Normalement, il arrive vers 9-10 heures. Il a dit, je serai là qu'à 14-15 heures. Le PAT, le tournage est vers 17 heures. Et pareil du côté de Kimmel. Et du coup, les deux sont arrivés sur le plateau avec, mais quand je dis personne des deux équipes n'est au courant que c'était Fallon. Donc ils sont arrivés 2 heures avant pour pas que ça bruite et tout machin. Et ils l'ont fait comme ça. Faites-le. Va à Fort Boyard. Perforas. Échanger avec le Perforas. Tu fais un tigre. Fais un des tigres. Tête de tigre, et toi, avec un petit maquillage d'enfant là. Mais cela dit, pardon, c'est à pleurer de rire. C'est-à-dire que si Fort Boyard, sur un plan, il y a juste toi déguisé en tigre et personne revient dessus. Ta recommandation culturelle, Camille? Moi, c'est le dernier film de Antoniente qui s'appelle. Qui s'appelle Pizzeria. Qui s'appelle Lavandou. Et ça se passe au Lavandou. Non, de très bons titres. Alors, c'est une série. Il y a la saison 2 qui est sortie là. Donc, ça m'y fait penser. Et je sais que je dois absolument regarder. J'ai regardé la saison 1 qui était géniale. Ça s'appelle Made for Love. C'est avec la comédienne. Je vais chercher le nom parce que ce serait pas cool de pas le donner. Qui est dans Palm Spring. Oui, bien sûr. Bah, qui est incroyable dans Palm Spring d'ailleurs. Génial. T'as pas vu Palm Spring? Si, je l'ai vu. T'as pas aimé? Qui était sur Amazon. J'ai été déçu, mais je pense parce que tout le monde me l'a tellement dit. Oh, c'est génial. Christine Milioti. Mmh. Oh là là là là. Et c'est génial. Cette série, en gros, elle est avec un grand patron de nouvelles technologies qui est fou amoureux d'elle, tout ça, et qui a décidé de vivre dans un cube isolé de tout, avec tout ce qu'il faut. Et il veut absolument qu'elle reste dedans. Et il lui met une puce à l'intérieur pour qu'elle ne puisse plus partir, pour que tout soit intuitif et tout ça. Donc ça dénonce un petit peu sur la société actuelle. Pardon, ça met un coup de pied dans la mare. À tes yeux, c'est Made for Love. Ouais. Ouais, sûr. Et ensuite, elle veut partir et tout, mais c'est très drôle et c'est vraiment super. Voilà, allez voir cette série parce qu'elle est vraiment très très réussie. C'est sur Canal. C'est Amazon. Sur MyCanal. MyCanal, ok. Voilà, ouais. Vous matez le flambeau, t'inquiète. petit peu de SACEM. Et ensuite, vous regardez Made for Love et c'est super. Ok, vraiment très bien. Très bien. Enfin, j'espère, autant c'est ripou. En tout cas, moi j'ai trouvé ça top. Bah non, mais très cool. Elle, c'est vrai qu'elle est très drôle. Dans Palm Springs, elle tient la dragée au temps de Disenberg, ce qui n'est pas une mince affaire. Elle est géniale, cette fille. Ouais, elle est vraiment très marrante. Bah, moi je vous conseille un film qui est aussi dispo sur ma chaîne. On t'a pas demandé. Bah, quelle est ton recommandation culturelle? Tu se gères tout seul. Je me gère tout seul. C'est le Tesla, ce mec. J'ai ma bio Twitter, hein, visiblement. Je suis une Tesla. S'appelle La Fracture de Catherine Corsini. C'est un film. Alors, sur le papier, j'étais un peu oh là là, moi aussi. Non, ça parle des gilets jaunes et des trucs comme ça. Trouve autre chose. Et Lupin. Non, c'est vachement bien. Il y a Pio Marmaille dedans qui est vraiment définitivement un de nos meilleurs acteurs, je trouve. Il est vraiment trop fort, quoi. Et ça parle d'un hôpital qui gère en gros des gens blessés le jour le plus haut, le plus fort des gilets jaunes, en gros. Mais ce que j'ai vachement aimé, c'est évidemment, c'est très sociétal, tout ce que tu veux, mais les personnages sont vraiment géniaux. Et ça a un ton que je trouve assez rare en fait au cinéma. Mais il est pas au cinéma actuellement, excuse-moi. Non, non, il est sur MyCanal. Voilà, il est sur MyCanal. Je revois la sortie. Ouais, ouais, et c'est très touchant, drôle, ça parle de trucs super intéressants, mais c'est pas non plus lourdeau. Là, on va vous expliquer quand même le problème qui se passe en France. C'est vachement malin et très émouvant, et tous les acteurs sont géniaux. Il y a aussi le couple que forme Gérard géniaux. Ouais, ouais. Il y a Valéria Bruni Tedeschi. Tous les acteurs. Mais elle est montée à retardement. Je l'ai pas eu. Tu sais, elle est montée vraiment tardivement. Elle était dans un ascenseur. Tous les acteurs sont Gérard géniaux. C'est ça le. Tu vois, elle est montée, caractéristique du film. Elle est montée comme une pâte de fruits. Doucement, elle est arrivée. Tu connais les pâtes de fruits, toi? On lui a dit. Ouais, bien sûr. Comment? Et les pâtes de fruits, la drogue, mon pauvre Adrien, c'est pas juste des. Ah, pardon, ouais, moi je comprenais pas. J'avais pas la rêve du tout. On peut re-raconter ce truc-là. Que pour toi, l'interview sandwich. Oui. C'était bon. Sur des vrais sandwichs. Moi, en fait, j'ai les interviews sandwich de Combini. En fait, moi j'adore les sandwichs, c'est une de mes passions. Mais les vrais sandwichs, la nourriture, quoi. J'adore en faire, j'adore en manger. Et donc je vois, ils font interview sandwich sur Combini, donc je me dis, putain, trop bien. Ils demandent aux gens leur rapport au sandwich et tout. Puis je regarde une, deux et tout, je fais, mais attends, c'est quoi ces questions? Tu te rappelles de ton premier sandwich? Mais personne se rappelle de son premier sandwich, c'est ce que vous racontez et tout. Ils leur demandent même pas la quantité de beurre. Oui, oui, c'est ridicule. Et puis je me dis, mais ils effleurent complètement tout ce qui est ingrédients et tout. Et tout. Je me dis, il y a un truc bizarre, quoi. Et c'est vraiment mes neveux qui m'ont dit, mais non, mais ils parlent de. De la drogue. Et je fais, bah ouais, je savais. Ah, la beurbe. Ouais, t'inquiète. Les jokos qui se fument, les gars. Hein, t'inquiète, j'en fume beaucoup. Et sinon, en film américain, je suis allé voir Elvis. Et bah, c'est vachement bien. Ah ouais? Parce que moi, je savais rien de la vie d'Elvis. Moi, je suis fan d'Elvis. Ah ouais? Enfin, je sais pas. J'adore. Ah, ça sa ah ouais, t'es fan? Bah, imite-le. Bonjour. Mon ami Vincent. Non. C'est encore Bill, gars. Mais c'est de Bill que t'es fan en fait. Non mais ouais, tu vois, je serais fasciné de savoir sa vie. Enfin, j'aime les trois titres qu'on connaît tous. Oui, t'as vu, on a l'album Greatest Hits. Je sais pas quoi. Et donc ouais, ça m'intéresserait de savoir. Toi, t'as été à Graceland. Oui, je suis allé visiter sa maison vers Memphis. Mais c'est à Memphis même. C'est à Memphis. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est un Disneyland d'Elvis. Il y a forcément que du Elvis. Et t'as trois hangars gigantesques remplis de costumes, de Cadillac. Mais les disques d'or aussi, ça te fait, mais je sais pas, un appartement entier de disques d'or, les voitures et tout ça. Tu peux voir où ils vivaient? Et après, t'as la maison qui est à côté des trois hangars. T'as vraiment tout un circuit à faire et la file d'attente est tout le temps pleine, quoi. Il y a vraiment énormément de fans et de touristes. Et mais c'est même là qu'il a été enterré avec sa famille. Et donc il y a ce moment où tu visites la maison qui a pas bougé, hein, vraiment dans un style ultra kitsch, forcément, c'est du Elvis. Ouais. Et à la fin de la visite de la maison, tu vas dans le jardin. Et tu passes devant son tombeau. Ouais. Et donc tu prends 3 secondes devant et tu dis Merci. Il s'est enterré dans son propre jardin. Ouais. En repensant à la merde qu'il a lâchée, car rappelons-le, il est mort quand même. Il est mort sur ses toilettes. On sait, il est mort sur ses toilettes. Non, la vraie histoire, c'est. Parce que ça, ils en parlent pas dans les hangars. Mais. Le mec, en plus, il va répéter exactement comme il a fait tout à l'heure. La vraie histoire, c'est que. Et puis il répète ce que j'ai dit. C'est moi, vous êtes très agressif. Pierre Tchernia là. Ouais, je suis le dinosaure de la télé, excusez-moi. Le pauvre homme était exploité à la fin. La phrase qu'il y a dans le livre de sa femme, c'est il est allé lire dans la salle de bain. Mais évidemment qu'il était sur les toilettes. Mais les fans d'Elvis disent on sait pas, il a peut-être juste lu dans la salle de bain. Mais la vraie phrase, c'est quand tu vas dans la salle de bain lire, souvent c'est quand tu. Mais peut-être qu'il avait terminé, il s'est peut-être pas chié dessus. Ah non, ça on n'en sait rien. Il est parti tel un king. Mais c'est un peu marrant s'il s'est chié dessus. Après un perfect. Bon, pardon. C'était un perfect. Le perfect d'Elvis. On le connaît. Le film, il parle de tout le truc où, effectivement, tu le disais, où il se fait exploiter. En fait, le film parle de ça. Parle des gars qui l'exploitaient. Est-ce que c'est. Attention, le film. Il a son regard de débunker. Parce que le film sur Elton John, génial. Rocketman, poétique et tout. Le film sur Queen, là, relou. Mais non, trop linéaire. On va vous raconter du point A au point B. Et on va aller par étapes, le truc. Et chiant parce que. Raconter nul. Est-ce que c'est un peu genre vraiment du point A au point B ou est-ce qu'il y a un côté un peu poétique, un truc un peu génial. Déjà, c'est réalisé par Baz Luhrmann. C'est le gars qui a fait Moulin Rouge et tout. Donc déjà, c'est le bordel visuellement. Des fois, c'est beaucoup. On m'a dit que c'était vraiment dur à regarder presque. Un peu kitschose des fois, mais franchement, c'est au moins il se passe plein de trucs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, ça parle surtout de ce mec qui l'a exploité, qui est joué par Tom Hanks. Et en gros, Elvis reste le héros du film, mais t'as beaucoup tout est du point de vue de ce mec-là qui est un peu un méchant. Et qui est vraiment traité comme tel dans le film. Sergent, je sais pas quoi. Colonel, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est la grande idée du film. C'est que c'est Colonel Rayel le méchant. À la fin, Tom Hanks il enlève son masque. C'est Colonel Rayel. Non, c'est pire, il est en blackface tout le long. Fin de carrière pour Tom Hanks. Il a joué Colonel Rayel. Donc voilà, c'est vachement bien, Elvis. En plus, c'est très long, mais ça passe méga vite. Ça dure 2h50. Mais franchement, tu les vois pas passer. Il y a les chansons et tout. Ouais, mais tu vois, les chansons, il y a pas ce truc relou de comment il a eu l'idée. Ce que moi j'avais pas aimé dans Bohemian Rhapsody. Ouais, mais tu sais, des fois c'est un peu mal foutu dans les biopics. Dans Clo-Clo, il y a vraiment un truc, il fait bon, allez, de toute façon, là je vais me lever comme d'habitude. Attends, tu peux répéter ça. En plus, il a donné l'idée à Renaud. En plus, dans le film de Queen, c'est toujours lui le méchant parce que c'est le guitariste, j'ai oublié son nom. Donc il met le côté, le groupe en tout fait pour le sauver. C'était lui vraiment le méchant qui est parti faire une carrière solo. C'est vu que de son objectif à lui, c'est Renaud. Là, c'est pas ça. Chers amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, Camille, Stéréo Club. Qui vient de sortir, qui est en replay, TF1 replay. Exactement. Ça a un autre nom. C'est sorti sur un test. C'est sur le replay de TF1. Le replay, on va dire le replay. Sur MyCanal, il y a des replays aussi. Sur MyCanal, allez-y sur France TV Plus aussi. Non, mais c'est vrai que MyCanal, il y a des replays d'autres chaînes. Bien sûr, c'est ça qui est bien. Moi, je trouve que c'est un peu mal fait quand même. MyCanal. Ah non, je pensais au truc de TF1. La chaîne pour laquelle tu bosses. Canal, c'est chaud. Mais ça, c'est top. MyCanal, intuitif. Je suis là, cherche un truc, proposition. France.tv, sublime. Mais MyTF1, c'est Taïesh. Non, c'est en replay. Il y a d'autres émissions là, peut-être. C'est un peu de vacances quand même. Un petit peu de vacances. Je pars au Lavandou, là où Fabien Antonien. Non, pas trop de vacances, mais un peu. Ça, c'est cool. Et donc, voilà. Non, des émissions qui vont revenir où tu peux pas encore en parler. Il joue le suspense. Non, mais il y a des émissions. Les émissions que vous connaissez de TF1. Moi j'avais adoré. Et alors, par exemple, est-ce que ça va qu'est-ce revenir qu'est-ce que ça te fait si je n'aime pas pardon Dès qu'on lance, ça reviendra peut-être. Ouais. Il faut qu'on voit. On a des trucs qu'on veut faire. Et donc on a plein de choses. On verra en fonction du temps. Trop bien. Franchement, je sais pas du tout. Là, pour l'instant, on va se baigner. Je tente une phase d'animateur. Tu reviendras nous en parler, bien sûr. C'est génial. Natouli. On peut me retrouver dans ma maison de campagne, dans le 7-7. C'est vrai, mais qui a pris cher récemment. Putain. Il s'est pris les gros vélos. J'ai vu les folies. Ça a pété des trucs. Mais attendez, le pire. Alors déjà, j'ai toutes mes toitures qui sont flinguées parce que t'as de la grêle qui est tombée de la taille d'une balle. Ouais. De pétanque en fait. Bah, balle de tennis. Ouais, vraiment une pluie de balles de tennis tombée du ciel. Tombée du ciel. Comme. Non, Igelin. C'était. Ah, j'ai pas. T'as pas Igelin ? Terrifiant. Et là, je viens d'apprendre en fait que ma maison elle n'est pas assurée depuis 4 ans. T'avais oublié d'assurer ? J'ai oublié. Oh non ! C'est ballon, dis donc. Je suis un peu tête en l'air, moi, dis donc. Donc, quelques story sponsors qui vont arriver là, du coup. Ouais, mais je vais rebosser un petit peu là. Les clébards, c'est à 5 minutes. Quelques TikTok. Vous connaissez Assu 2000 ? C'est parti. D'où les cale-portes de la marque Numark en caoutchouc synthétique. Mais bon. il va y avoir un vlog de la réunion qui va sortir quand même ouais, sur YouTube. Bien sûr. Trop bien. On va mettre en lumière toutes les belles assos avec lesquelles on a bossé. Génial. Ouais. Trop bien. Adrien ? Alors MST le sketch show de Mr V qui va pas sortir tout de suite, je mais crois. Mais non, c'est à la rentrée, je crois, il laisse passer les vacances sur Canal finalement. Ouais, donc, il laisse passer les vacances. Donc a priori en septembre, mais il y a toujours les deux sketchs que j'ai écrit réalisés les tubes de la Belle Époque et l'arnaque de Tinder qui sont sur YouTube. Et puis le tube de la Belle Époque, c'est en rappelons-le, c'est le sketch où tu détestes la France. Je crache sur mon propre pays. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, rappelons-le. Après, remplacement TV. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, et puis ouais. Non, sinon, vacances, moi. Bah, contre, ça y est, je hein. pense. Et ouais. Ça part où alors ? Eh ben, chez ma soeur à côté d'Avignon. Oh, voilà. Et moi. Puis après, je vais passer une petite semaine à Biarritz, a priori. Oh là là. Et puis, je vais sans doute prendre mon camtar et puis un peu sillonner. Et Francky ? Et Francky. Tu es Lorenzo Lamas, tu es le rebelle. Tu te balades partout dans le côté du Dakota. Il faisait du bon travail. Il était flic, mais il a d'autres flics qui ont mal tourné. Il a dénoncé d'autres flics. D'autres flics. Et ces flics eux-mêmes, le mot flic revient 4-5 fois dans la série. Bon, bah très bien, merci les amis, c'était trop cool. Merci et toi, on peut te retrouver où ? Non, mais nous surtout, il y a la tournée là, ça y est, qui arrive quand même à la rentrée. Olympia, Toulouse, Lille, Lyon, tout plein de villes, Rennes, Nantes, donc c'est trop cool. Tu parles d'eux ? De la tournée qu'on fait de à nous, la rentrée, ah oui, ouais, ouais, de nous. Est-ce qu'il y aura deux beaux micros ou tu seras toujours le seul à avoir un micro canon, même à l'Olympia ? Non, je serai le seul à avoir un micro. Oui. Les gens devront projeter énormément parce que ça va être compliqué. Bien sûr. Voilà, et puis toujours Oli et l'Alien en librairie, et puis plein de choses qui vont arriver à l'entrée. Et Le Caplin, Baptiste Le Caplin, qui revient en octobre, dont j'ai coécrit le spectacle, qui revient à Paris au théâtre de la Renaissance. Voilà, prenez vos billets, prenez vos places. Sortez les briquets d'ailleurs. Bon, merci les amis. Merci, merci les copains. Ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.